Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leave this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Brochant. Il est mignon, monsieur Pignon. Yippie-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos dias. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Peu, il sera retenu contre toi un coup, puis un tabarnak. Ok, circulez. Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Garden Street. Il y a longtemps maintenant. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. Hey! Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 35 du Bras de fer des films. Mon nom est Jean-François Tremblay et avec moi, Steven Lefrançois. Salut Steven! Salut Jean-François et salut chers auditeurs. Toujours au rendez-vous ce cher Steven. Ben Jeff aussi. Oui. Bon, fait que ben aujourd'hui, tout le monde connaît le principe du time-out, plus besoin d'expliquer. Fait que... c'est des choses qu'on voulait... Ben, je voulais mentionner quelque chose. Oui, vas-y. Ouais, je m'en doutais. J'allais dire, tu as sûrement quelque chose que tu veux mentionner en premier. Ben, c'est apparu ce matin sur nos fils d'actualité partout sur Facebook. Puis, il y a des tonnes et des tonnes de publications qui en parlent. Puis, pour moi, c'est important. C'est le décès d'Omar Sharif à 83 ans d'une crise cardiaque, apparemment. Au mois de mai dernier, on avait appris qu'il était atteint de l'Alzheimer. Puis là, ben, il vient de décéder. C'était l'acteur principal, Dr. Jivago. Vous vous en souviendrez peut-être. Un acteur dans Lawrence d'Arabie. Et moi, personnellement, puis il joue dans plusieurs autres films aussi, dans plein de films sérieux, des grands films, des grands classiques. Mais moi, personnellement, c'est drôle parce que mon premier souvenir de Omar Sharif, c'est dans le film Top Secret avec Val Kilmer, la comédie des créateurs de Airplane, puis Hot Shots, puis Naked Gun. Fait que c'était un peu ridicule, mais en même temps, c'est l'image que je garde de lui, c'est la plus ancrée en moi, c'est ça. T'sais. C'était sympathique. J'adore Top Secret, je peux l'écouter n'importe quand, puis je ris encore autant. Ouais, j'adore Top Secret aussi. Puis il y en a bien souvent qui oublient que Val Kilmer joue dans Top Secret. Puis... ouais. C'est pas un de cette gang-là qui ont fait beaucoup de bonnes comédies que j'ai vues souvent. Là. Je dois t'avouer que je ne le connais pas forcément par cœur. Fait que je serais curieux de le revoir. Je l'ai dans ma bibliothèque, mais on dirait que la seule blague qui me revient tout en tête, c'est le début avec l'Allemand sur le train, puis que il reste debout, puis ça défonce littéralement monde. Ben, y a tellement plein de gags. Ça parodie le lagon bleu, ça parodie toutes sortes de trucs. Ça se passe dans l'Allemagne nazie, tout ça. Puis en tout cas, c'est bien ben le fun. Je m'excuse de manger au micro. Ouais, c'est impoli. Non, c'est pas vrai. Sinon, est-ce que tu avais d'autres nouvelles? Moi, je veux juste dire que je suis en extase devant la programmation de Fantasia cette année. Ils ont vraiment... ben, je suis rarement déçu, mais là, ils ont vraiment atteint des sommets. Je pense là, il y a tellement de trucs qu'on ne sait plus où donner de la tête. Surtout que moi, j'y vais du 20 au 27. Je suis limité vu que j'habite moins proche de Montréal. Puis, il y a certains films, ça me fait chier. Je ne pourrai pas voir, dont Cop quelque chose. En tout cas, de nouveaux films avec Kevin Bacon. Puis Kevin Bacon va être présent là-bas. Fait que, c'est lui qui l'a réalisé en plus. Il joue dedans, puis il a réalisé le film, je pense. Ben, s'il a réalisé cool, je ne savais pas. Je pense que oui. Ça m'intrigue encore plus. Mais sinon, j'ai déjà ma liste de tout ce que je vais aller voir. J'ai quand même beaucoup de films. Et évidemment, Attack on Titan est assurément dans ma liste parce que je ne revenais pas que ça soit au Fantasia. C'était film. Puis c'est le film de Close Up qui va fermer le festival. Fait que je pense que ça va fermer en beauté. Ça va sans doute se vendre assez rapidement la première journée. Je vais essayer de l'avoir. Puis j'étais heureux de voir que Turbo Kid n'était pas le film d'ouverture puis qu'il tombe en plein dans ma semaine. Fait que je croise les doigts pour avoir mes billets parce que toute l'équipe va être là puis je pense que ça va être une merveilleuse soirée. Et je me suis dit que ce serait cool pour le bras de fer. Je vais essayer le plus possible de filmer toutes sortes de trucs là-bas, puis d'avoir du monde, de filmer de l'ambiance, l'énergie, pour montrer un peu à ceux qui ne savent pas trop c'est quoi Fantasia, leur montrer un peu l'ambiance, puis en même temps donner mes opinions un peu rapidement sur les films que je vais avoir vus. Enfin, je vais essayer de faire un vidéo global de mon expérience au Fantasia cette année. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai pas forcément de gros équipements, puis je risque d'être tout seul là-bas cette année, fait que ça va aller mal des fois pour filmer, mais je vais essayer de faire quelque chose. Excellente idée, je trouve. Cool. Sinon, c'est pas mal ça. 10 secondes, attends-moi 10 secondes, ça sera pas long. 10 secondes, ok. Fait qu'on va vérifier si Jeff, c'est quelqu'un de timing. Un. OK. Deux. Moi, je suis bien triste de manquer quelque chose à Fantasia là, cette année. Puis, c'est parce que je reste à 5h30 de Montréal. Puis, ouais, c'est pas évident. J'ai assisté pendant plusieurs années à Fantasia quand je restais à Montréal. Puis, je manquais jamais ça. Puis là, ça fait depuis 2012, ça fait quoi, 3 étés que je le manque. Fait que ça me fait vraiment chier. Cette année, en plus, il y a un documentaire que je voulais absolument voir sur un gars que je trouve à la fois fascinant et pathétique. Pathétiquement fascinant, ou appelez ça comme vous voulez, c'est John Michael Thor qui a joué dans Rock'n'Roll Nightmare. Ouais. Puis j'ai ici aussi sa Thor Anthorology. Ils ont vraiment été à chercher loin, ça. Toutes ses apparitions de télé, puis ses vidéoclips de 79 à quoi, 85. Puis avec des commentaires audio de lui, puis ça aussi dans le commentaire audio. Puis je l'ai vu en personne à Total Crap il y a quelques années, je pense en 2011-2012, dans ce coin-là. Puis j'ai aussi la soundtrack de Rock'n'Roll Nightmare. J'ai un de ses albums. Je suis un fan, mais en même temps, tu sais, je me rends compte à quel point c'est ridicule. Puis je l'ai découvert sur le tard un peu. Je ne l'ai pas découvert en plein milieu de sa carrière. Tu l'as découvert sur le tard? Le temps. J'ai découvert. Ouais. Ah, t'as un peu notre effet spécial. Oui, vas-y. Ah, ça va être trop long. Ah, j'ai oublié ça. Ça manque de punch. Ça manque de punch, oui. Non, ok, je l'ai perdu. Ce que je voulais dire, c'est ça. Je l'ai découvert avec Rock'n'Roll. Je sortais de Fantasia, je sortais d'une projection, je ne sais plus qu'est-ce que j'étais allé voir. Puis il y avait deux gars à une table qui vendaient des DVD de Rock'n'Roll Nightmare, puis j'ai acheté ça sur. Sans trop savoir ce que c'était, puis j'ai jamais regretté. Fait que depuis ce temps-là, c'est une histoire d'amour. Puis ça me fait chier parce qu'il va être là. C'est un documentaire sur sa vie. Puis tout le monde qui va être à la projection va recevoir un marteau. Ouais, c'est awesome, bout. Derrière la tête, là, mais. Et mes fans! Mm-hmm. Malheureusement, moi aussi, je vais le manquer. Puis surtout Chantal. Elle, ça l'a fait royalement chier de ne pas pouvoir aller au Fantasia cette année, puis je la comprends. Ben, je comprends. Mais elle adore Thor, elle aurait tellement aimé ça y aller. Puis, on songe probablement à redéménager à l'Assomption ou proche de Montréal l'année prochaine. Ah oui. Fait que, ouais, il y a trop de trucs qui nous manquent. Puis moi, le fait d'être loin du Fantasia, là, c'est pas pire, j'ai réussi à y aller, puis je vais avoir ma semaine, je suis vraiment content. Mais ça me fait chier parce que ça me limite en dehors de cette semaine-là. Tu sais, je vais essayer de m'arranger pour aller voir Attack on Titan, qui est le dernier film du Fantasia, mais. Quand j'habitais proche, même si je travaillais après mon travail, j'allais voir des films du soir, puis des événements, puis tu sais, je manquais rien du festival. Puis pour moi, c'est ma routine à chaque année. C'est vraiment important, ce festival-là. C'est une place que je me sens vraiment bien avec des gens qui comprennent ma passion, puis que l'énergie qu'il y a là-bas, puis tout. C'est juste, c'est difficile à décrire. C'est juste dans un autre monde, puis on est tellement bien, puis... Juste le fait de me dire que j'aurais pu le manquer cette année parce que j'aurais pas eu de semaine de vacances, ça me fait vraiment chier, mais là, je suis content. Le pire, c'est qu'on s'est déjà croisés sans le savoir, on se connaissait pas, puis on... Ouais, c'était bien quel film? Mais sans qu'il y avait un film en particulier, puis t'étais comme, oui, moi aussi, je l'ai vu, VHS, ouais. Je pense. Non, pas VHS. Non, j'ai pas vu VHS au Fantasia. En tout cas, je sais plus lequel, mais... Yonex, peut-être, non? Non plus, parce que je l'ai vu tard, VHS. Ah oui, c'est vrai. Plus tard. Non, je ne sais pas, là, ça va être trop long pour les spectateurs si on commence à chercher. Ouais, non, c'est ça, mais... Ben non, c'est ça, on s'est sûrement croisé un moment donné. Mais je sais qu'un moment donné, on avait parlé d'un film, puis on l'avait vu tous les deux là-bas. Ouais, c'est ça. Bon, fait qu'on commence-tu sur nos... qu'est-ce qu'on a vu? Mais je l'ai mentionné aussi, pour que ceux qui nous écoutent, puis qui nous écoutent fidèlement, ne s'inquiètent pas, parce que dans les prochaines semaines, même si toi, tu es à Fantasia, puis que moi, je vais t'occuper aussi, j'ai de la famille qui vient en visite, on enregistre nos épisodes d'avance, fait que l'épisode de la semaine prochaine est déjà enregistré, fait que on a pensé à vous, on vous lâche pas, ça va sortir régulièrement pareil. Sinon, qui commence? Ben, vas-y, à toi d'honneur, mon cher Jeff. La semaine dernière, j'ai été voir Inside Out, en version française, Vice Versa, je crois. Nouveau film de Pixar. T'es chanceux. que je voulais voir depuis que j'avais entendu parler pas mal, il y a des critiques qui étaient très bonnes puis qui me l'avaient vendu vraiment à fond, là, surtout que j'étais, moi d'avance, j'étais un gros fan de Wall-E, puis on me disait que c'était le, depuis Wall-E, c'était le film le plus adulte de Pixar. Puis tu sais, j'ai pas vu les bagnoles, j'ai pas vu les avions. Moi, j'ai surtout été fan des Toy Story, les trois premiers, puis des Monster Inc, puis de Wall-E. Pour ça, sinon, tu sais, j'aime tous les films de Pixar, mais je les ai pas toutes vues. J'ai même pas vu Ratatouille encore. J'ai pas vu Up. Ratatouille, c'est Pixar, me semble, c'est... Ah, peut-être que je me trompe, ouais. C'est Paramount Pictures, me semble, qui a fait ça. OK. En tout cas, j'ai pas vu Up. Il y a une couple que j'ai pas vu, tu sais. Mais Wall-E, ça reste mon préféré à vie, là, pour moi, là. Mais Inside Out, c'est ça, ça s'en rapproche. C'est l'histoire, en gros, d'une jeune fille de 11 ans qui s'appelle Riley, qui vit au Minnesota avec ses parents, puis son père va se trouver un nouvel job à San Francisco, fait que là, il faut qu'il déménage. Puis il passe d'une très belle maison avec un grand terrain, puis beaucoup, beaucoup d'espace pour jouer et tout ça, à un petit appartement de merde, une belle maison, en fait, de merde. Et donc, Riley est très, très malheureuse. Et en fait, le film... La particularité du film, c'est que ça se passe tout dans sa tête ou presque, et qu'on suit cinq de ses émotions qui sont les personnages principaux du film. On a la joie, la tristesse, le dégoût, la peur et la colère. Et c'est surtout la joie et la tristesse qui sont les personnages principaux. En anglais, ce sont le nom, joy, sadness, tout ça, fait que j'imagine qu'en français, c'est la même chose, joie, tristesse. C'est surtout Joie, le personnage principal, parce que Joie, c'est elle qui contrôle un peu les autres, qui les empêche de déborder, d'être trop colérique, trop heureux, trop ci, trop ça. Et surtout qu'elle empêche beaucoup la tristesse de prendre la place. Joie est extrêmement, on peut s'y attendre, extrêmement... attachant. Énervée, tout le temps heureuse, tout le temps effervescente, tout ça. Et donc, c'est ça. Puis à un moment donné, elle puis tristesse vont se retrouver... éjecté de l'endroit où ils travaillent par accident, puis ils vont se perdre un peu dans la tête de Riley, puis il faut qu'ils retournent au centre de contrôle pour pouvoir reprendre le contrôle de ce qui se passe, parce que là, Riley est en train de virer colérique et dégoûté. Il reste juste le dégoût, la colère, puis la peur dans le centre de contrôle, fait que c'est les trois émotions qui restent. Puis, dans le fond, c'est ça. Il faut que joie puis tristesse reviennent. Pour que Riley puisse aller mieux. Et c'est dur à expliquer parce que c'est un monde assez abstrait et c'est tellement intéressant la manière que c'est construit, c'est tellement brillant. Il y a des trucs, à chaque fois qu'on découvre des nouvelles affaires dans la tête de Riley, ça fait du sens, puis on se dit, merde, c'est tellement brillant comme idée. Juste le train of thought, le train de pensée, le train de la pensée, c'est un train qui se promène, puis... dans la tête de Riley, il y a différents îlots. Tu as un îlot pour la famille, tu as un îlot pour les amis, tu as un îlot pour les skills, mettons, pour le hockey, des trucs comme ça. Tu as un îlot aussi qui s'appelle le goofballs. C'est le côté un peu niaiseux, rigolo, absurde. Et c'est ça, à un moment donné, sans trop vouloir spoiler, le côté goofball va comme... disparaître, va comme... Puis une fois que ça disparaît, ça revient plus vraiment. Puis ce moment-là est tellement triste là, quand tu vois que le côté un peu joueur et niaiseux de Riley, son côté enfantin, disparaît puis qu'à 11 ans, puis que tu vois tous les souvenirs de ça, de son côté un peu... En tout cas, c'est... la manière que c'est fait de la scène, c'est tellement poignant, tellement beau. Puis c'est ça, il y a deux, trois moments dans le film parce que j'ai vraiment eu la larme à l'œil. Il fallait que je me retienne, il y avait trop de monde autour de moi. Là, mais j'aurais été tout seul dans mon salon, ça aurait été... Oublie ça, là, j'aurais braillé ma vie. Là. C'est tellement un film drôle et attachant et touchant et quasiment parfait, en fait. J'ai rien de mal à dire sur ce film-là. Je me suis amusé là, vraiment du début à la fin. Puis je le recommanderais à tout le monde, petit et grand. Quoique, j'ai entendu dire par certaines personnes que les plus jeunes souvent comprennent pas trop le film, comprennent pas trop ce qui se passe ou c'est plus difficile de l'apprécier. C'est vraiment un film, je pense, qu'il faut voir ce qui est plus approprié qu'à partir de 11 ans en montant, parce que 11 ans, c'est l'âge du personnage, puis là, tu peux comprendre un peu qu'est-ce qu'elle vit. Avant ça, ça fait moins de sens un peu, l'histoire des souvenirs d'avant 11 ans et tout ça, ça fait un peu moins de sens. Mais je crois que ça peut quand même être apprécié. C'est très coloré, très fun. Et c'est vraiment un beau, beau film. Juste l'idée de base, la première fois que j'en ai entendu parler, je trouvais ça déjà brillant. Puis j'étais comme... C'est fou comment le team de Pixar sont incroyables puis qu'ils arrivent tout le temps à nous surprendre avec des idées tellement matures, mais qui sont faites, comme tu dis, peut-être là, un peu plus difficiles, mais pour plaire autant aux enfants qu'aux adultes. Mm. Et, celui-là, je suis vraiment impatient de voir parce que j'en attends que du bien. Vraiment, tout le monde capote. Puis ça, c'est sûr que d'ici la fin d'année, ça va faire partie globalement de toutes les tops, j'imagine. Puis c'est extrêmement logique comme film. Tu sais, puis ma blonde, elle me disait, quand on l'a vu, on est sorti du film, puis elle disait, il y a sûrement beaucoup, sûrement des gens, tu sais, qui, à Pixar ou peu importe, qui sont vraiment informés sur la manière que le cerveau fonctionne, la mémoire et tout ça, comment ça fonctionne, parce que c'est extrêmement logique, puis je suis sûr que ça a des bases scientifiques, le film, la manière, tu sais, je parle pas de... Que, parce que les souvenirs dans le film sont emprisonnés dans des petites boules, puis là, ben, faut essayer, Joy, elle essaie de les préserver, la joie, elle essaie de préserver les petites boules, elle essaie de préserver le plus de souvenirs possible pour pas que Riley se mettre à tout oublier. Puis, tu sais pas, la manière que la mémoire se... comment est-ce que je dirais? Sa mémoire se... comment est-ce que ça... comment je dirais? Comment ça s'entrepose dans le cerveau, puis comment est-ce qu'on finit par oublier des trucs peu à peu? Comme et tout une bibliothèque, un peu? Ouais, un peu. Tu sais, comment c'est classé, tout ça, par notre cerveau? Ben je pense que ça a quand même des bases scientifiques, là, tu sais, c'est... Mais tout ça d'une manière très, très, très, très loufoque et très beau et très, très coloré et très enfantin. Là. Mais tout le côté imaginaire, c'est l'aspect, comment est-ce que je dirais? Non, c'est ça. En tout cas, il y a tellement de différents coins de son cerveau qui sont le fun. On voyage à travers toute sa tête puis c'est tellement trippant. Là. Je ne vais pas trop en révéler parce que c'est faut le découvrir. Sans que ce soit 100% ça, je trouve que c'est un film qui exploite une idée que j'avais trouvée intéressante dans un autre film, mais qui était plus ou moins là. Dans Dreamcatcher, l'adaptation du livre de Stephen King, en film, les personnages avaient des dons, puis ils pouvaient classer leurs souvenirs, puis tu voyais ça, à l'intérieur de leur tête. Puis je trouvais ça vraiment cool, puis ça avait des qualités dans le film, mais plus ou moins exploité. Puis là, je trouve la manière que tu parles des souvenirs, puis toute la manière que ça rend-là de l'intérieur, je me dis que ça doit vraiment être génial. Puis c'est un peu... un petit élément de Dreamcatcher que j'aimais qui va être plus mieux établi dans Inside Out. Fait que je trouve ça de manière différente, mais semblable à la fois. Ouais. Bon, ben, je vais essayer d'aller voir ça prochainement au lieu d'aller voir Terminator, parce qu'il ne me tombe pas. De toute façon, Terminator, puis il se fait bâcher, puis c'est un flop. C'est un peu à prévoir, je pense. Oui, c'est drôle, j'ai vu... une interview du réalisateur qui même lui disait « Oui, je sais, mon film fait pas de sens, mais c'est pas grave. Ah. » C'est que ça part mal dans ce temps-là. Hey, c'est le fun. Le même réalisateur a dit que son scénario, puis là, il avait nommé une phrase. Même Arnold comprenait pas la sens de cette phrase-là. Puis là, on lisait l'affaire temporelle de Nexus. Ouais, j'ai vu ça. Trop quoi. Là, je suis comme « Mon Dieu, ça a vraiment aucun sens. » Ils se sont vraiment tirés dans le pied. Puis James Cameron qui est comme « Ouais, c'est le vrai Terminator 3 que vous voulez. » Moi, non, j'y crois pas. Sinon, t'avais-tu fini avec le film de... Oui. J'aimerais ça y aller avec un film plus aussi intelligent que le tien, puis intéressant, mais je vais y aller mollo. J'ai vu et acheté le dernier Van Damme qui s'appelle Pound of Flesh. Oui, un autre DTV de Jean-Claude Van Damme, mais c'est sa troisième collaboration avec le réalisateur Ernie Barbarash. Les deux autres films qu'il avait fait, c'était Assassin Game puis Six Bullets. C'était deux films intéressants. Il y en a Six Bullets, c'est un genre de Taken, mais avec Van Damme. Fait que c'est un film honnête. Tu passais une belle soirée. Puis là, j'étais intrigué de voir pendant le filet. J'avais vu un trailer. Puis le trailer était vraiment efficace. Tu voyais juste Jean-Claude Van Damme au départ se réveiller dans une baignoire de glace. Puis il se rend compte qu'il s'est fait voler un rein. Dans le fond, le synopsis du film, ça avait juste l'air de Van Damme veut essayer de retrouver des personnes qui ont fait ça, qui ont pris son rêve pour le récupérer. Puis Action Pack, puis toute l'équipe. Fait que je me disais, bon, on va passer une belle soirée avec un bon film d'action. Et j'ai été déçu. C'est une série B ordinaire qui livre pas la marchandise. Premièrement, j'aime pas la réalisation d'Ernie. J'aime pas vraiment ce gars-là. Même ses deux films précédents, j'avais de la misère avec sa réalisation, mais là, elle m'agace. Le gars, il a de la misère à mal cadrer puis à essayer de diriger ses acteurs. Je trouve qu'il est vraiment pas talentueux, puis ça m'étonne qu'il continue à faire autant des films puis une collaboration avec Van Damme. Mais ce qui m'a le plus agacé du film, alors que les trailers nous annonçaient juste 1h30 d'action non-stop qu'on allait s'amuser, en fait, c'est un long drame que, dans le fond, Van Damme veut récupérer son rein puisqu'il était destiné à sa filleule qui est malade et qu'elle a besoin d'un rein. Puis c'est le seul donneur qui peut réussir à la sauver parce qu'elle est sur une longue liste d'attente. Puis elle risque de mourir prochainement. Puis il y a vraiment juste Van Damme qui peut réussir. Puis il était en chicane avec son frère. Mais là, ils se sont comme un petit peu réconciliés par rapport à ça. Puis il veut la sauver. Il n'a jamais eu le temps de la connaître. Puis le film mise beaucoup là-dessus. Tu as beaucoup de moments entre les deux frères, beaucoup d'émotions, puis ça casse le rythme. Il n'y a pratiquement pas d'action. Encore là, on pourrait dire, ouais, mais ça peut rajouter justement un peu de vie au film, un peu d'humanité, que les personnages soient plus intéressants, qu'il y ait de l'émotion, mais ça ne marche pas. C'est en calice royalement, c'est ça qui arrive. Puis j'aime pas la relation entre le frère, Van Damme et son frère. Tu n'as pas l'impression qu'ils sont frères. Puis l'acteur qui joue son frère n'est pas vraiment bon. Puis c'est lourd, ça va, ça a vraiment d'aller dans le mélodrame avec des violons, puis je suis comme non, c'est pas ce que vous m'avez vendu comme bande-annonce, puis c'est juste plate, je m'emmerde, puis c'est vraiment dommage. Peut-être, le seul truc qui m'a touché dans le film, c'est qu'il y a la présence de, je vais pas massacrer son nom, de Darren Chalavi. Pour les amateurs de films d'action, ils vont peut-être le reconnaître. C'était l'ennemi de Donnie Yen dans Hitman 2, puis il a joué dans plusieurs grosses productions. Il a joué dans la télésérie récemment Metal Hurlant Chronicle, qui a été distribuée par Shaw Factory. Puis le gars, il est mort il y a peut-être un mois. Je pense qu'il a fait une crise cardiaque, si je ne me trompe pas. Puis il était très jeune, il était dans la quarantaine. Puis ça a vraiment été une nouvelle triste. Moi, ça m'a vraiment fait de quoi, parce que je le connaissais quand même bien. Puis je l'aimais beaucoup à l'écran. C'est un gars qui avait beaucoup de charisme. Puis il joue là-dedans, c'est comme son dernier rôle. Il joue le bad guy. Puis à la fin, tu as une petite scène hommage, puis avec des cryptos, tout ça. Puis je pense que c'est le seul moment émotif du film qui a marché sur moi et non le restant. J'ai trouvé ça bien. Mais sinon, pour le reste, vous pouvez laisser tomber. C'est un autre direct-to-vidéo foireux qu'on peut voir. On a juste l'impression de voir un autre film à la Steven Seagal. Tu sais, là, que c'est vraiment sans vie, puis c'est comme amène mon chèque, puis merci, bonsoir. C'est le pilote automatique. Ouais, c'est le pilote automatique. Là. Van Damme s'est pas beaucoup impliqué là-dedans, contrairement à d'autres productions récentes qu'il avait faites qui étaient beaucoup plus de qualité. Fait. Non. Dommage. Ouais, dommage. Puis j'aime beaucoup Van Damme. Tu sais, j'ai encore de l'espoir. En ce moment, il fait son remake de Kickboxer qui rush. Là. Il a tellement eu de problèmes. Puis là, finalement, il est en train de se faire. Puis, j'ai hâte de voir ça. Tu sais, j'ai encore du plaisir à le voir, Van Damme. Je trouve que c'est quelqu'un de tellement d'honnête qui vit dans sa bulle. C'est sûr, il a vraiment une personnalité un petit peu spéciale. Mais c'est quelqu'un qui a bercé mon enfance. Puis j'ai encore du plaisir à le voir aujourd'hui, malgré des films inégales. Mais gars, je suis un fan. Puis je vais le suivre jusqu'à la fin. Juste le revoir faire sa danse de Bloodsport. Oui, pour Jimmy O'Connell, c'est ça? Jimmy Kimmel? Jimmy Kimmel, oui. C'était-tu Jimmy Fallon ou Jimmy Kimmel? Jimmy Fallon, oui, c'est ça. Ils refaisaient la même ça. Puis même, ils ont fait un petit stand-up de fight. Puis c'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, Van Damme, il dit au départ, il dit, je suis pas un très bon danseur. Parce que, tu sais, il y a tellement de polémiques avec ses vidéos de danse. Puis, tu sais, je me dis, hey, réécoute Breaking. T'es vraiment bon dans Breaking. Ben, merci de m'offrir une belle transition vers mon film. T'avais-tu fini, Clotty? Mm-hmm. OK. On a parlé de Breaking dans un de nos épisodes, puis Breaking, vous vous en souviendrez peut-être, c'est un film sur le breakdancing en 83 ou 84, un film de la Canon. Et j'ai vu sur Netflix un film qui s'appelle Wild Style, que je voulais voir depuis un bout. Ça date de 82 ou 83. C'est venu avant Breaking, puis ça... C'est un film plus réaliste, en fait, sur le monde du breakdancing. Non, je m'excuse. Le monde des graffiteurs, en fait. Mais on voit on voit un peu de breakdance, mais surtout, on voit des MC, puis du hip-hop, puis dans un bar, tout ça, mais pas tant de breakdancing que ça. Mais ça, il y avait un lien quand même à faire avec le monde urbain de New York. Anyway, en fait, je me rends compte que ça n'a aucun rapport parce que Breaking se passe en Californie. Bon. Mais en tout cas, c'est dans la même époque. Puis, tu sais, Breaking, c'était la version un peu Disney de cet univers-là de hip-hop de l'époque. Tandis que Wild Style, c'est vraiment plus réaliste, c'est gritty. C'est un film à la fois fiction et documentaire parce qu'on suit un graffiteur qui signe ses œuvres sous le nom de Zorro. En fait, ce gars-là est joué par un vrai graffiteur de New York et tout ça. Et tous les personnages sont joués par des vrais gens qui vivaient dans la rue ou qui faisaient des graffitis de manière régulière, tout ça. Et donc, c'est ça. L'histoire, en gros, c'est juste on suit ce gars-là, puis il y a une journaliste qui veut venir faire un reportage sur les différents, sur les artistes de graffiti, tout ça. Puis, mais lui, il est un petit peu inquiet de participer à cette entrevue-là parce qu'il ne veut pas non plus que sa face se retrouve partout sur les magazines, tout ça. Il voudrait gagner de l'argent, il voudrait être pris sérieusement comme artiste, mais il ne voudrait pas non plus se mettre en danger parce que, vu que c'est illégal, ben ça. C'est ça, il ne voulait pas se retrouver partout, puis non plus qu'on rit de lui ou quoi que ce soit. Tu sais, lui, il prend vraiment ça au sérieux. C'est super intéressant à ce niveau-là. Puis on a beaucoup de scènes, justement, comme je disais tantôt, dans des bars avec du monde qui danse, des chanteurs hip-hop, des rappeurs, tout ça, puis du monde qui danse, tout ça. Puis des scènes vraiment, tu sais, qui sont très, très longues, mettons 10 minutes, où c'est juste la caméra qui se promène dans le bar, qui suit les personnages, mais il n'y a pas vraiment de dialogue. On a... un DJ de l'époque, Grandmaster Flash, qui est là puis qui joue son propre rôle, en fait. Et c'est ça. En gros, c'est un film très, très urbain, très, très sale, très crado. C'est le New York des années, début des années 80 où on n'irait pas trop se promener là le soir parce que c'est un peu dangereux. Puis, fait que tu suis ces personnages-là qui sont pauvres, qui mangent pas à leur faim, qui font des graffitis parce qu'ils croient vraiment à ça et tout ça, puis qui essaient de survivre, qui essaient de s'affirmer et tout ça. Puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Je me suis pas emmerdé, ça dure 1h20. Il y a des petites scènes, comme je dis, qui sont longues un peu, peut-être, les scènes de hip-hop, tout ça, qui servent pas à grand-chose, qui font pas avancer l'histoire. Mais en même temps, ça te fait... te plonger dans cet univers-là, même si ça ne te raconte pas d'histoire, ça te fait plonger dedans. C'est le côté un peu documentaire, comme je disais, du film. À mes yeux, à moi, c'est ça. Ça fait juste... C'est un portrait de l'époque et de cet univers-là. Puis l'histoire est... performance, ça a l'air de quoi? Oh, c'est amateur. C'est très amateur. Parce que, tu sais, comme tu dis, ils prennent des vrais gens, mais ça doit paraître à l'écran, ouais, justement. Non, c'est très amateur. Puis, j'ai lu à quelque part dans les. Je pense que c'est sur IMDb que Debbie Harry avait été considérée pour le rôle de la journaliste qui vient faire un reportage. Puis, finalement, elle n'a pas été choisie, mais ils ont choisi une blonde qui lui ressemble. C'est drôle parce que la premier plan où qu'on la voit dans le film est dans son char, puis elle se dirige vers le coin de la ville où ces gens-là se tiennent. Puis, dans son char, c'est une toune de Blondie qui joue. Fait que. Mais non, c'est ça, c'est très amateur, mais j'ai aimé le portrait de l'époque de New York. Puis je pense que j'ai toujours aimé des films très, très urbains, très new-yorkais. Fait que ça m'a beaucoup plu, ce film-là. Génial. Moi, j'ai finalement vu Interstellar. Ça a pris beaucoup de temps. Je l'ai acheté la journée qui est sortie, mais 2h30, je voulais absolument l'écouter avec Chantal. Puis 2h50, c'est pas toujours évident à trouver dans une soirée pour avoir le temps et ne pas être fatigué pour le travail le lendemain. Fait que finalement, on a réussi à le voir. Moi, j'étais un gros fan de Christopher Nolan. Il n'y a aucun film de lui que j'ai pas apprécié. Je trouve que c'est tout soit d'excellents films, de grands films ou littéralement de chefs-d'œuvre. Pour le moment, moi, Inception était mon meilleur film du réalisateur. Puis il y a beaucoup d'haters, évidemment, de Nolan, comme n'importe qui. Tu sais, t'as tout le temps une partie qui vont juste cracher parce que c'est Nolan, puis c'est du cinéma pseudo-intelligent, puis ils vont toujours trouver des moyens de cracher comme ils ont fait avec Interstellar, mais qui, globalement, a été super bien reçu. Et ça raconte rapidement l'histoire, juste que la planète est mourante. Je suis pas certain si dans le film, il mentionne même les origines de pourquoi, mais la poussière est juste dominante sur la planète. Il y a tout le temps des tempêtes, des genres de tempêtes de sable, puis des conditions de l'air sont vraiment de plus en plus difficiles, puis la nourriture est presque disparue. C'est plus possible de réussir à faire pousser quoi que ce soit. Les seules choses qui fonctionnent encore, c'est les champs de blé d'Inde, puis ils se nourrissent constamment juste de ça le temps que ça dure. Puis ça, apparemment qu'il ne reste plus grand temps avant que l'espèce humaine soit juste littéralement en voie d'extinction. Puis on suit dans le fond la famille de Matthew McConaughey, une petite famille qui vit dans sa ferme, tout ça. Puis Matthew McConaughey, c'est un ancien pilote de la NASA qui, pour aujourd'hui, la NASA n'existe plus puis qui était très mal vu pour différentes raisons. Je ne vais pas les répéter. On apprend tout ça dans le film. C'est assez complexe. Puis, à un moment donné, il va juste tomber un beau jour sur une petite compagnie secrète de la NASA qui sont en train de faire des expérimentations pour essayer de trouver un moyen de sauver l'espèce humaine. Et dans le fond, eux, tout ce qu'ils veulent faire, c'est envoyer Matthew McConaughey à la recherche dans d'autres galaxies d'une planète qui serait vivable pour l'humanité. Puis qu'en tant que tel, c'est pas d'essayer de sauver la planète, mais c'est de trouver quelque chose pour la quitter, justement, parce que c'est déjà perdu d'avance, la Terre, c'est fini. Puis dans le fond, ils veulent l'envoyer parce qu'ils ont déjà envoyé 9 pilotes. Ils avaient toute une mission principale, c'est d'aller dans un trou noir, puis chacun aller voir une planète différente, puis essayer de voir si ces planètes-là sont vivables ou il y aurait moyen de reformer l'humanité là-dessus. Et au fil des années, ils ont perdu certains contacts, puis ils ont eu des nouvelles pour d'autres. Fait qu'est-ce qu'ils veulent, c'est envoyer une équipe avec Matthew McConaughey pour essayer de choisir elles qui ont eu le plus de bons commentaires, puis aller vérifier si c'est une planète qui est vivable. Mais ça peut être un voyage qui est de non-retour, malheureusement, parce que c'est dans un trou noir qui est très, très loin. C'est dans des galaxies vraiment lointaines. C'est vraiment une odyssée de science-fiction humaine fantastique. Moi, j'ai vraiment adoré. Tu reconnais l'inspiration de 2001 de Kubrick. Veux pas, c'est évident, mais je crois que c'est le film de science-fiction qui s'associe le mieux avec le film de Kubrick. Tu as des plans et tu as beaucoup d'inspiration. Et autant de voyages dans le trou noir, c'est pas forcément un sujet original. On a déjà vu ça ailleurs. Mais Nolan, la manière qu'il va nous montrer visuellement comment on voyage et comment ça marche un trou noir, c'est impressionnant. J'aurais voulu voir ça dans une salle de cinéma. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Mais c'est comme si le trou noir, c'était juste une sphère, une grosse boule. Puis le moment où qu'il voyage là-dedans, ça devient, tout est déformé, vraiment comme une boule de miroir. Puis c'est visuellement hallucinant. Je n'avais jamais vu ça dans un film. Et au courant du film, je trouve que Nolan va réussir à apporter des nouvelles visions de la science-fiction, puis apporter des touches d'originalité, puis un véritable vent de fraîcheur là-dedans. Au niveau science-fiction, je trouve que le film est vraiment pas décevant, puis les fans vont vraiment adorer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une odyssée aussi fantastique depuis, je dirais, Moon. Je pense que c'est Moon qui m'avait le plus marqué depuis, qui était vraiment un grand film de science-fiction. Sauf que celui-ci aussi mise beaucoup sur les relations humaines, beaucoup sur les sentiments. Il y en a qui vont peut-être penser que c'est un peu trop mélodramatique. Moi, je trouve pas. Je veux dire, à chaque moment, j'avais envie de brailler avec le personnage. Je me retenais pour pleurer. C'est tellement puissant émotionnellement, ce film-là. La relation entre Matthew McConaughey, sa fille surtout. J'ai oublié son nom, malheureusement. Mais leur relation est tellement puissante. Tu t'attaches à eux dans les 30 premières minutes. Ça prend pas de temps. Là, tu t'identifies facilement à eux. Puis à chaque fois qu'ils ont des appels vidéo loin d'eux, c'est toujours super touchant. C'est un film qui réserve son lot de moments forts, de surprises. C'est maîtrisé de bout en Z, de A à Z, vraiment. Là, j'ai vraiment capoté. Par contre, un petit point qui m'a un petit peu gêné, c'est que toutes les discussions qu'il y a entre les pilotes, puis les scientifiques, puis Matthew McConaughey, c'est des discussions vraiment lourdes. Tu as vraiment l'impression d'écouter des gars de la NASA qui discutent parce qu'ils utilisent des mots et des termes qu'on n'entend pas dans une production de science-fiction où c'est vraiment juste un blockbuster pour divertir. Nolan a comme vraiment voulu y aller dans le réalisme au point que certains dialogues, t'écoutes puis tu comprends fuck all. Ils utilisent des termes, j'étais comme, je comprends rien par moment. Par moment, c'est tu piges que ça a rapport avec ça, mais par moment, j'avais l'impression que je me sentais pas impliqué à cause de ça. C'est comme, je me disais, je suis peut-être pas assez brillant pour comprendre les dialogues. Je suis pas assez fan de la NASA puis tous ces termes-là. Fait que là-dessus, je trouvais ça un petit peu dommage. Ça m'a un petit peu sorti. Mais ça nuit en rien au film. Le reste, c'est vraiment de très grande qualité. Puis je considère que c'est vraiment un très grand film de Christopher Nolan puis un grand film de science-fiction. Je le recommande fortement. Et le soundtrack de Zimmer va vous rester en tête longtemps après le visionnement du film. Moi, j'arrête pas de l'écouter depuis, puis ça vient me chercher à chaque fois. Là. Ben, tu me l'as vendu, en tout cas. Ah, tu seras pas déçu, j'en suis certain. Moi, j'avais été un peu beaucoup déçu par Gravity, puis j'avais peur d'être déçu par Interstellar, puis ça n'a rien à voir, je pense. Il y a pas, En fait, je sais plus c'est qui, il y a quelqu'un qui a écrit dans mes commentaires que Interstellar, c'est tout ce que j'aurais voulu que Gravity soit. C'est la personne qui avait écrit, puis je suis comme, ouais, c'est vrai. C'est comme, tu as toute la technique, toute la réalisation, tout le génie visuel de Gravity, mais avec un scénario beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus fort. Et des je veux pas descendre la prestation de Sandra Bullock, elle est vraiment bonne, mais je trouve que c'est dans Interstellar, on a un casting beaucoup plus solide, puis des performances beaucoup plus marquantes, même si j'ai adoré Gravity. Moi, je trouvais que c'était un excellent trailer. Je trouve pas que c'est le meilleur film de science-fiction qu'on a eu depuis longtemps, mais le 1h30 que je l'ai écouté, j'étais sur le bout de mon siège, puis j'ai vraiment eu la mâchoire ouverte, puis j'en demandais pas autant. Mais Interstellar, ça te propose beaucoup plus que Gravity. C'est beaucoup plus intelligent comme film, si on veut. Là. Cool. Ben, je suis curieux de voir ça. Puis il y a un caméo surprise qui n'est pas crédité. Ah, OK. J'étais très surpris de le voir, puis j'ai comme fait « Oh! » Fait que c'est ça. Je dis pas c'est qui. sinon, moi, ce que j'ai vu, un documentaire que je voulais voir aussi depuis un bout de temps qui s'appelle Searching for Sugar Man. Il est sur Netflix en ce moment, puis ça avait été très populaire. Je pense que ça a gagné le score du meilleur documentaire l'année que ça a sorti. C'était en 2013, je crois. C'est en gros l'histoire d'un musicien il s'appelle Rodriguez. Il a sorti deux albums au début des années 70, puis il est complètement tombé dans l'oubli. Les deux albums n'ont pas du tout marché. Ça a été des flops total. Mais sans le savoir, Rodriguez, il est devenu comme une super vedette en Afrique du Sud. Lui, c'est un Américain, puis ses albums sont sortis aux États-Unis, mais il y a des copies pirates qui sont ramassées en Afrique du Sud, puis au fil des ans, c'est devenu un phénomène. Sa musique, en fait, parce que lui, personne ne l'avait jamais vu, il n'a jamais été au courant qu'il était une vedette. Fait que, devenu une légende en Afrique du Sud, ses albums se vendaient plus encore que ceux d'Elvis puis des Rolling Stones. Puis ses chansons sont devenues des hymnes à l'époque de l'apartheid et tout ça. Et fait que c'est ça. Dans le fond, le documentaire nous raconte comment est-ce qu'un journaliste a cherché dans les années 90 à savoir c'était qui Rodriguez. Parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que ce chanteur-là s'était tué sur scène dans les années 70. Il s'était lancé une balle dans la tête. Ou il s'était immolé sur scène, fait que les gens se demandaient c'était qui, c'était une légende, mais on savait rien sur lui à part son nom, puis sa musique, puis ses pochettes d'albums. Il n'y a pas de photos, rien ou presque de lui. Fait qu'un journaliste dans les années 90, un journaliste sud-africain qui s'est mis à chercher à savoir c'était qui, puis qu'est-ce qui lui était vraiment arrivé. Puis sa grande surprise, en fait, au fil de ses recherches, c'est de se rendre compte que Rodriguez était encore en vie. Puis bien vivant à Détroit, puis il travaille dans la construction, puis il n'a aucune idée que sa musique est devenue légendaire à l'autre bout du monde. Puis fait que c'est ça, fait que ça a été de retrouver Rodriguez, puis de lui faire, de lui apprendre ça, que c'était une légende de la musique là-bas, puis que sa musique était extrêmement appréciée, alors qu'aux États-Unis, ça avait été un bide total. Fait que, mais je ne veux pas trop révéler non plus qu'est-ce qui arrive vers la fin, mais c'est un documentaire à la fois inspirant et touchant et poignant. Moi, j'ai été absorbé là-dedans dès le début. La musique est super belle. La musique de Rodriguez, c'est super beau. C'est un peu un mélange de Cat Stevens puis de Bob Dylan. Bob Dylan pour les paroles, parce que c'est des protest songs. Puis Cat Stevens un peu pour le genre. Un peu aussi peut-être Eagles. Non, pas vraiment Eagles. En tout cas, James Taylor peut-être. Des chanteurs comme ça, acoustiques à la guitare, tout ça. Puis... fait que c'est ça, c'est de la musique super belle. On se demande pourquoi ça n'a pas marché. Il y a des gens qui supposent que c'est probablement à cause de son nom, parce que son nom qui sonne espagnol, ça lui a nuit, en fait. Le gars, il est d'origine mexicaine, fait que ça pognait pas à l'époque. Et mais c'est ça. Mais sa musique est vraiment belle, puis ça valait la peine de la redécouvrir. Puis je sais qu'après ça, ils ont sorti ses albums en vinyle après la sortie du documentaire, puis... puis j'ai un de mes amis qui les a achetés, qui lui, il dit qu'il est fanatique du film, puis qu'il s'est acheté la tasse de café, puis le t-shirt, puis l'album, puis tout. Puis, mais non, c'est ça, c'est vraiment, vraiment un beau film, une belle histoire, tu sais, comme quoi que ce qu'on fait dans la vie, c'est jamais vraiment pour rien, tu sais. Si tu crées une œuvre, puis tu y crois vraiment, tu sais pas où que ça peut se rendre, tu sais pas qui ça peut toucher, tu sais, cet Américain-là d'origine mexicaine, était une légende pendant 20 ans, 30 ans en Afrique du Sud. T'sais. pour aucune raison logique, mais il était plus gros qu'Elvis puis les Rolling Stones, puis il était pas au courant du tout. Puis lui, il vivait dans sa petite maison à Détroit en travaillant sur la construction, puis c'était un gars extrêmement modeste, extrêmement c'est un peu, j'ai envie de dire spirituel, mais tu sais, très replié sur lui-même, puis prêt à donner son argent à tout le monde ou presque. Il est pas, il cherche rien pantoute, il cherche pas la gloire. C'est vraiment, vraiment intéressant comme film. Searching for Sugar Man, moi, je le recommande à tout le monde. C'est vraiment intéressant. Sur Netflix? Oui, sur Netflix. Je vais mettre ça dans ma liste. Comme de nombreuses choses. Ouais, c'est ça. Moi aussi, ma liste a quasiment 100 ou 150 titres. Là, je sais pas. Ouais, je suis rendu à ça à peu près. Puis j'ai réussi à en enlever une coupe récemment, mais ça, ben, ça paraît pas. J'en rajoute par la suite parce que Netflix en rajoute. Fait. Ma blonde a dit c'est ça. C'est un peu contre-productif. Là. Tu sais, je fais juste passer dans la liste. Puis, c'est comme chercher Netflix, en fait. C'est... Tu tasses la liste, puis c'est long avant que tu reviennes au début. Ben, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est... Daredevil. Bon. Ouais, je sais. Non, je sais. Je vais arrêter de t'achaler. J'ai écouté cette semaine The Voice avec, non pas la série de québécoise ou américaine. canadienne, je veux dire. Au pluriel. The Voice. Ouais, The Voice avec Ryan Reynolds. C'est réalisé par Marjane Satrapi. Marjane Satrapi, qui avait fait. J'ai tout le temps la misère de nommer. Comment ça s'appelle son... Non, laisse-moi pas le nommer, toi, dis-moi le titre. Elle a fait Persepolis. Persepolis, basé sur sa bande dessinée. Et voyons, Poulet aux prunes. C'est ça. C'est une réalisatrice vraiment talentueuse. Je pense que beaucoup attendaient de voir ce film-là. Puis les critiques ont été super bonnes. Mais dernièrement, dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes qui ont juste détesté littéralement le film. Et j'étais pareil excité de le voir parce que j'aime beaucoup Ryan Reynolds, puis je l'aime de plus en plus. C'est vraiment un acteur intelligent puis talentueux qui nous a montré qu'il valait bien plus que Van Wilder dans le temps où il jouait juste ce genre de comédie-là. Puis depuis une couple d'années, il n'arrête pas de jouer dans des productions surprenantes, il change de style constamment. Depuis que je l'ai vu dans le film espagnol Buried, où qui jouait huit clos dans un cercueil. Il était phénoménal là-dedans. Il m'a vraiment impressionné. J'aime tous ses projets. Je le suis. Puis en ce moment, il est en train de tourner une vraie adaptation pour les fans de Deadpool. Un film de Marvel qui va être classé R. Il a réussi à l'avoir parce que c'est supposé être violent puis imprévisible comme personnage. Puis je suis vraiment hâte de le voir. À chaque fois qu'il met des nouvelles photos, ils sont vraiment le fun. Puis tu vois que le projet il tient à cœur. Puis The Voice, la manière que c'était vendu, le trailer, ça avait l'air d'une super comédie noire, très amusante, où le personnage entend ses animaux, son chat et son chien lui parler, puis il va commettre des meurtres, toutes sortes d'accidents, mais sur un ton très léger et très le fun. Et c'est du mauvais marketing, parce que c'est vraiment pas ça le film. C'est pas une comédie. Oui, il y a quelques scènes d'humour un peu douteuses, mais que j'ai quand même ri à quelques reprises, mais on est vraiment dans un drame très noir. Puis quand je dis très noir, c'est très dark comme film. Le personnage de Reynolds, il est complexe. On a beaucoup de pitié, d'empathie avec ce personnage-là, mais les moments où il craque parce qu'il est atteint de schizophrène, finalement, puis il consulte une psychologue à chaque semaine, mais il a arrêté de prendre ses médicaments parce que quand il prend ses médicaments, il se sent tout seul, puis la seule chose qui arrive, c'est qu'il y a des vieux souvenirs enfouis en lui qui refait surface, puis il retombe dans le goût de mourir, puis tout ça. Tandis que quand il prend pas ses médicaments, son souvenir est juste complètement enfoui, puis il sent moins seul avec ses animaux qui y parlent. Et tu as son gros chien, qui est comme, dans le fond, la voix de la raison, sa bonne conscience, qui n'arrête pas de l'encourager, de dire des bonnes choses, qui est quelqu'un de bien. Et tu as le chat, qui est le trou de cul, le chat qui le pousse à mal agir, à lui dire de faire tout ce que le contraire de ce que le chien puis lui dire. Tu as vraiment l'impression que c'est un peu comme on voit dans les dessins animés, le petit diable puis le petit ange à côté, puis chacun dit, c'est exactement ça. Je vais pas mentionner les deux actrices que j'aime beaucoup là, qui sont dans le film. Oui, les deux actrices. Gemma Arterton. J'ai peut-être mal dans un James Bond récent. Je pense que c'est Casino Royale. Ou je me souviens plus. Ouais, quelque chose comme ça, je pense. Quantum of Solace, mais je suis pas sûr. Je les ai pas vus. Fait que... Et Anna Kendrick. Oui. C'est deux filles avec qui va tomber amoureux, évidemment. Comment je pourrais dire? C'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Ça m'a beaucoup touché. Juste pour la performance de Ryan Reynolds, honnêtement, écoutez-le. Il est vraiment bon. La réalisatrice, ce qui est étonnant, c'était de voir si elle allait avoir sa touch visuelle particulière dans le film. Puis, c'est le cas. C'est vraiment weird. C'est un visuel que j'ai pas vu vraiment ailleurs. Le film a vraiment une ambiance étrange. C'est difficile à décrire. Mais tu sens la touch féminine. Tu sais, tu le sens que c'est une femme derrière la caméra, puis ça apporte un côté différent. J'ai vu d'autres films qui traitaient de la schizophrénie il n'y a pas super longtemps, puis je trouve qu'elle apporte un vent de fraîcheur. C'est pas un sujet vraiment le fun, mais elle apporte un vent de fraîcheur là-dedans, la manière de décrire cette maladie-là, si on peut dire. Puis elle le fait avec maturité, puis comme je dis, avec sérieux, vous allez vraiment peu rire dans le film. C'est vraiment plus des moments malaisants puis difficiles à écouter. Une des premières grosses scènes qu'il va avoir entre lui puis si je ne me trompe pas, entre les deux actrices, Gemma Arterton, qui va la tuer finalement, puis c'est pas un spoiler, on le voit dans le trailer, puis on voit qu'il va parler avec sa tête finalement, puisqu'il va garder juste la tête puis découper le reste du corps en morceaux. La scène est vraiment hard. C'est vraiment une scène digne d'un trailer horrifique. Là. C'est vraiment pas drôle. Là. Puis c'est sanglant. Le film est très sanglant. Ça m'a vraiment surpris. Tandis qu'il y a pareil la petite ambiance de la réalisatrice. Là où il travaille dans une espèce de dépôt, je sais pas trop où, tous les employés ont des costumes roses, flashy, puis des petites étiquettes roses. Puis ça fait vraiment bizarre. T'as vraiment l'impression d'être dans un monde un peu irréaliste qui sort d'une bande dessinée. Fait que c'est pour ça que je dis que les fans de la réalisatrice vont pas être dépaysagés puis vont adorer. Mais moi, je suis tombé en amour avec le chat. À chaque fois qu'il est là, il est drôle. Il est tout le temps, il est vulgaire, puis il est tellement bitch, mais c'est la vision que j'ai des chats. Les chats, ben, c'est des hypocrites, c'est des bitches. Puis là-dedans, ben, il l'est vraiment. Puis j'ai vraiment aimé ça. Le sujet puis les thématiques du film sont pas subtiles pour un sou. Tout est expliqué au spectateur, tout est dit verbalement. Il n'y a rien qui nous est laissé à réfléchir. Ce qui va peut-être gêner peut-être certaines personnes ou qui m'auraient gêné dans d'autres films, mais je trouve que là, elle fait bien. Les dialogues, je trouve qu'ils sont bien écrits. Puis ça ne m'a pas gêné le manque de subtilité. Tu sais, des fois, pas tout le temps obligé de la jouer subtile puis d'essayer d'avoir la plus intelligente que d'autres. Moi, je trouve que ça fonctionne dans le film. Fait que je le recommande fortement. C'est une belle surprise que j'ai eue avec ce film-là. Petit point négatif. Comme je dis, le ton est très noir. Et lorsqu'on arrive au générique de fin, c'est une claque, ça gueule. On fait un revirement de 360 de ton et on passe du film dark au film joyeux années 50, chanson. C'est vraiment difficile à décrire, mais moi, j'ai pas aimé ça sur le coup. J'ai trouvé que ça fitait pas en tout, puis j'étais comme pourquoi? C'est vraiment une douche froide là. Je serais curieux d'entendre d'autres personnes qui auraient vu le film, voir qu'est-ce qu'ils ont pensé de la scène générique. Moi, j'aurais coupé ça avant. Je trouve que ça fit pas, puis ça l'aurait pas dû. Ça fait-tu penser un peu à 40 ans et encore plus haut? Oui, mais en pire. Ok. Ça, oui, t'as raison. Ça fait penser à ça, mais c'est vraiment en pire, puis j'ai... Attends de voir ça, Jeff, j'ai vraiment hâte, tu m'en parles. C'est vraiment en paix. Je suis curieux. Puis j'ai vraiment hâte de voir le film. C'était un film que j'avais très hâte de voir à cause de la réalisatrice en particulier. Mais très bon, moi j'ai vraiment adoré. Puis pour ceux qui hésitaient à le voir un peu à cause justement de certaines opinions, faites-vous, c'est tout le temps le meilleur moyen, faites-vous votre propre opinion, écoutez le film. Puis moi je ne le regrette pas, j'ai adoré. Puis je ne sais pas si c'est un film de 2015 2014, ou 2014. Peut-être 2014, mais probablement qu'il aurait fini dans mon top. C'est une des meilleures performances de Reynolds que j'ai vues. C'est un très bon drame. Mais comme je vous dis, attendez-vous pas à une comédie, vous allez être déçus. C'est... La bande-annonce reflète zéro de qu'est-ce que le film y est vraiment. Ben moi, je vais vous parler d'un film d'horreur. D'habitude, on le fait pas parce qu'on garde ça pour Horror Gamer, mais comme Horror Gamer en ce moment est comme en stand-by, puis le site internet a comme des problèmes qui sont en train d'être réparés, d'être résolus, ben... On parlait de films d'horreur que j'ai vu récemment. Pas sur Netflix, mais sur Crackle. On parlait sur crackle.com le voir, je crois, mais moi, je l'utilise avec mon appareil Roku, R-O-K-U, gros cul. Moi, ma blonde, on dit gros cul. Mais... non, mais c'est parce que j'en parlais justement que tu pouvais avoir le poste de films asiatiques que ma blonde est abonnée sur son cellulaire par mois. Puis là, tu me dis, tu peux l'avoir-tu? Je dis, hey, Jeff, sur son Roku, il peut l'avoir. Elle dit, oui, je sais, c'est quoi le Roku? Puis là, j'étais comme, gros cul. Elle était comme, ah, c'était Nuno, mais ouais, c'est vrai, ça sonne gros cul. Ah, moi, puis Caroline, on dit tout le temps gros cul. fait que sinon, j'ai accès à Crackle, puis fait que j'ai écouté 30 Days of Night. Il n'y avait même pas de publicité, rien. Puis je ne paye pas pour un compte, là, tu sais, j'ai juste payé pour l'appareil. Mais c'est ça sur Crackle, fait qu'il offre certains films gratuits, puis 30 Days of Night, il me semble qu'il n'y a pas d'annonce. Non, il n'y a pas d'annonce. Fait que c'est ça. Fait que je ne l'avais jamais vu, c'est un film de quoi, 2007, à peu près 2006, je crois, avec Josh Arnett, un film de vampire, puis ouais. Je l'avais toujours mis de côté, parce que moi, Josh Arnett, dans ma tête, c'était pas grand-chose, c'était juste correct comme acteur, tu sais, c'était pas... Puis j'avais pas vraiment... m'étais pas tenu vraiment au courant de ce que les gens pensaient de 30 Days of Night, puis j'avais pas été... j'étais pas attiré bien par ça à l'époque. Sauf que là, après avoir vu deux saisons de Penny Dreadful, puis être tombé sous le charme de du jeu d'acteur de ce gars-là qui est vraiment badass dans Penny Dreadful, ben, j'ai envie de voir un peu qu'est-ce qu'il a fait d'autre avant. Et donc, j'ai voulu voir ce film-là. Et ben, sérieusement, j'ai pas été déçu du tout. Je veux dire, ça se passe dans un petit village en Alaska. Oui. Et donc, un petit village où il y a un mois de nuit, comme le dit le titre, et les vampires vont venir attaquer ce village-là. Et c'est aussi simple que ça, en fait, l'histoire. C'est des gens qui essaient de survivre d'une attaque de vampires. Puis c'est un film de vampires où, sans nécessairement réécrire les règles des vampires, bien, ils sont quand même assez originaux. C'est des vampires quand même... qui sortent de l'ordinaire un peu. Oui, c'est ça, qui sortent de l'ordinaire. Puis ça perd pas de temps du tout. Le film commence au premier jour, le premier soir, où que la nuit tombe. Puis après ça, ça va se terminer quand le soleil se lève, le film. Puis c'est exactement ce que le titre dit. C'est 30 jours de nuit, puis 30 jours de survie, à voir les personnages tomber un après l'autre, jusqu'à ce qu'il en reste vraiment plus beaucoup à la fin. Puis j'ai trouvé que Josh Arnett était très, très bon là-dedans. Les autres acteurs de soutien étaient bien corrects aussi. Ils faisaient un très bon job. Puis les effets spéciaux sont bons. C'est du CGI un peu, mais c'est bien correct, là, tu sais. Puis la finale m'a pris par surprise, parce que je ne m'attendais pas que ça se termine comme ça. Puis j'étais quand même très heureux que ça se termine comme ça. Je ne voulais pas une finale trop prévisible. Puis j'étais content que ça me prenne par surprise. Puis... Je sais pas si tu as pensé à la même affaire, mais moi, la dernière scène de ce film-là, je trouve que c'est la même scène que dans Blade 2. J'ai vu Blade 1, mais je me rappelle pas si j'ai vu Blade 2. OK. Non, je peux pas le commenter là-dessus. On a David Michaud qui dit « 30 Days of Night est pas tellement le meilleur film du monde, mais c'est pas le désastre du 2 non plus. Les acteurs sont corrects, l'histoire est simple, les vampires sont corrects. » Puis Yukigami dit 30 jours de nuit. J'ai pas accroché sur l'idée de l'ensemble des téléphones portables détruits incognito. Ouais. Ben en fait, c'est parce qu'ils ont utilisé... couper le monde. Ben en fait, c'est ça. C'est parce qu'ils ont. T'as un des acteurs, j'adore cet acteur-là, mais j'oublie tout à son nom, qui est un peu leur genre de ghoul, qui leur sert comme de. Ouais. De gars pour le jour qui va s'arranger pour qu'il n'y ait aucun moyen de communication. Moi, ça m'a pas trop dérangé. Je trouvais que ça faisait un peu du sens. Ben, c'est ça, moi aussi, je me pas. J'ai trouvé ça logique, quand même, qu'ils veulent les couper les uns des autres. Là. Moi, j'ai vu ce film-là au cinéma et honnêtement, j'ai vraiment été dedans à 100%. J'avais adoré le film. Là-bas, je trouvais qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. Puis le réalisateur réussit vraiment bien dans les 30 premières minutes à y aller mollo. Tu sais, on ne nous balance pas tout de suite les vampires puis on ne les voit pas tout de suite. C'est très subjectif au départ. Puis l'ambiance. Qui faisait un peu. Tu sais, on va tout le temps associer les scènes d'hiver à The Thing, mais moi, je trouvais qu'il y avait pareil un petit côté de Thing dans la première demi-heure qui me plaisait. Puis moi, j'ai vraiment trouvé les vampires terrifiants. En tout cas, au départ, là, y a une scène où ils vont s'arrêter en voiture, puis que tu vas juste voir. On va rien voir. On va juste voir l'expression de Josh Hartnett qui regarde au loin, puis il a l'impression de voir de quoi. Puis là, on va juste commencer à entendre des cris. Moi, cette scène-là au cinéma, elle me donnait des frissons. Les points négatifs que je dirais, je trouve que, un, il aurait pu choisir un meilleur acteur pour jouer le shift. Je le trouvais pas vraiment effrayant ou quoi que ce soit. Je trouvais qu'il aurait pu choisir un meilleur acteur pour ça. Et je trouvais que le feeling que ça fait vraiment 30 jours de nuit puis les semaines passent, je trouvais qu'il était plus ou moins réussi. Par moments, je ne le sentais pas que ça faisait si longtemps que ça. La notion du temps était un petit peu mal gérée, selon moi. J'avais de la misère à le croire que ça faisait pratiquement un mois ou deux semaines qu'il était caché dans la cabane. Que oui, parce qu'à un moment donné, ils sont comme dans le grenier dans une maison, puis là, tu te rends compte qu'il y a une semaine qui a passé, tu fais « what the fuck? » Ils sont habillés exactement pareil que là, deux secondes dans l'autre c'est scène. Ça, puis, là, c'est normal, c'est habillé pareil, mais là, t'as l'impression qu'il y a juste deux minutes qui s'est passé. Non, c'est ça. Il manque de quoi pour que la notion du temps, on en soit conscient et que ça fonctionne. Oui. Mais sinon, moi, de la bonne main, je trouve que c'est un très bon film de vampire qu'on a eu. C'est pas un chef-d'œuvre, mais honnêtement, quand j'avais été le voir, je pense que il n'y avait pas grand film d'horreur qui était excellent dans ce temps-là. J'avais vu beaucoup de mauvais films. Ça faisait du bien de voir ça. Là. Moi, j'avais vraiment adoré. Puis oui, le 2 est un très mauvais film. La scène d'intro est très bonne et intéressante. Je me disais, OK, moi, ils vont peut-être utiliser ça intelligemment. Non, c'est de la merde après, puis c'est à éviter de toute urgence. Ben, je suis curieux de le voir juste par... je vais peut-être finir par jamais le voir non plus parce que des fois, ça arrive. En tout cas, je sais pas. Je suis curieux. Je verrai si demain, ça donne. J'ai une heure et demie à perdre. Je verrai ça. Et tu lis les commentaires, toi aussi? Ouais, c'est ça. J'ai regardé. Ben, c'est le fun de voir les commentaires des autres ici en même temps. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, comme Yukigami disait, c'était le... C'est le côté genre personne s'en aperçoit. T'sais. C'est le meilleur pickpocket du monde. Pour les téléphones. Ouais, non, ouais, je suis d'accord. Puis le gros plan sur le broyeur. On savait que quelqu'un allait plonger dedans. Évidemment, oui. Ça, c'est, quand je l'ai vu, Josh Arnett aller à l'agent d'usine au début du film, ouais. Je savais que ça allait revenir, c'est clair. Là. On savait, mais en même temps, si ça ne serait pas arrivé, on serait déçus. T'sais, on le veut, là, ce plan-là. On le sait qu'il y a quelqu'un qui va se faire broyer. Puis la scène est vraiment cool. Là. C'est un gros broyage non-stop. Ouais. Mais c'est ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié sa décision à la fin, son personnage. Puis. Tout ce qui arrive à la fin, je ne veux pas trop le dire, mais c'est pour ceux qui l'ont pas non, vu. Non, ben c'est ça. Tu sais, le film réserve son lot de surprises ou de morts inattendues. Puis, non, c'est vraiment un bon film d'horreur. Moi, j'ai vraiment eu du plaisir avec celui-là. Ouais. Sinon, moi, je vais enchaîner avec Revenge of the Green Dragon. C'est présenté par Martin Scorsese. Sa mère vedette, le seul acteur vraiment connu, c'est Ray Liotta, mais il joue un rôle secondaire de policier qui va enquêter. Et dans le fond, c'est tiré de faits vécus. C'est basé sur un groupe dans les fins des années 80, début 90, un groupe de mafia ou gangsters asiatiques dans le Chinatown de New York qui s'appelait les Green Dragon. Puis dans ce temps-là, c'était dans le temps où que l'immigration était rendue un gros problème à New York. Tu avais beaucoup d'Asiatiques qui étaient transportés par des bateaux avec des faux visas, des faux papiers. Puis ça débutait, puis ils commençaient à s'installer à partir d'une genre d'entreprise de drogue, puis de vente, de marché, puis tout ça. Puis les policiers voulaient rien voir de ça. Pour eux, c'était des petits Chinois dans le Chinatown qui font juste de la bouffe, puis qui n'ont rien de gros gangster parce que c'était les Italiens qui avaient tout le temps... l'attraction principale des policiers. Puis là, c'était vraiment le début de tout ça. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Et on va suivre, dans le fond, deux enfants asiatiques qui vont grandir, qui vont commencer dans cette gang-là, les Green Dragon, à l'âge de comme 9 ou 10 ans, puis qui vont grandir. Puis ça va être une odyssée des échelons qui vont monter, la déchéance, puis qu'à un moment donné, il va y avoir de la chip, puis tout ça. C'est présenté par Martin Scorsese, fait que je me dis, OK, cool. Ça n'a pas rapport, ça. Finalement, c'est comme Quentin Tarantino présente. C'est pas ça qui va vous justifier que le film va être de qualité. Et c'est un film qui possède un très bon concept, qui est vraiment intéressant, mais qui est mal dirigé et mal écrit parce que le film dure 1h30. Et toute l'histoire qui englobe ça, tous les personnages, tout ça, ça aurait fallu un film de 2h30, de 3h, mais là, ça dure 1h30. Tout arrive trop vite. On n'a pas le temps de s'attacher à personne. Tout arrive rapidement. On n'a pas le temps de bien comprendre le marché, comment ça marche, les visas. Tout est juste parlé en quelques secondes. Même l'enquête policière avec Ray Liotta qui se concentre là-dessus et qui essaie des poignées. On le voit juste de temps en temps, on voit mal son enquête, puis tout est super brouillon, en plus que nos deux vedettes principales. Ça, c'est un point fort, je trouve bien, du film. C'est un film réalisé par un Asiatique qui a réalisé Infernal Affair, qui est le film original de Departed de Martin Scorsese. Fait qu'il est très talentueux dans les films de gangsters, mais je trouve que là, il a vraiment eu de la misère. Mais pour un film américain, ils ont pratiquement pris juste, justement, des vedettes asiatiques inconnues. Puis dans le film, ils parlent à plusieurs reprises juste dans leur langue d'origine. Fait que je trouvais ça bien pour un film américain qui tente de garder l'esprit crédible de comment c'était à cette époque-là. Puis dans Chinatown, ils vont pas tous commencer à se parler anglais, forcément, tu sais. Fait que ça, c'est intéressant. Mais les deux acteurs qui ont pris pour jouer les frères ou qu'on est supposé s'identifier puis accrocher sont mauvais, c'est de très mauvais acteurs. Puis t'embarques pas. Le casting n'est pas très bon. Puis c'est un mauvais film. J'ai vraiment eu beaucoup de misère à accrocher. Puis c'est dommage parce que, comme je dis, le concept était très prometteur. Mais c'est juste un petit peu trop bâtelé. Puis 1h30, c'est insuffisant pour réussir à expliquer tant de personnages puis de trucs qui arrivent dans le film. Tu sais, t'as même un personnage qui est supposé être important puis que c'est lui qui va faire tout le bordel dans les clans, mais on le voit 5 minutes dans le film puis c'est lui qui va faire une transaction qui va chier puis on n'a pas le temps de s'attacher à lui. T'es supposé avoir une grosse scène où il se fait pogner, qui va aller en prison puis il nous fout les gros violons puis on est supposé trouver ça triste avec les autres personnages, mais on s'en balance parce que justement tout est très mal développé. Fait que pour moi, c'est un film décevant. Je le recommande pas vraiment. C'est juste un film de gangster typique qu'on a déjà vu qui, malheureusement, n'arrive pas à nous embarquer. Ça essaie d'être du Martin Scorsese sans light. C'est dommage. Dommage. Donc, à part Interstellar, pour l'instant, t'as pas eu des grosses... T'as pas eu non, grosses beaucoup semaines. De déceptions dernièrement. J'ai passé une semaine assez bof. Moi, j'écoutais le podcast du dernier podcast sur la gauche, le podcast de l'équipe d'Horreur Web, puis j'entendais l'un des gars, Pat Lirette, parler du film At the Devil's Door, que j'ai jamais vu, qui est sur Netflix, puis que j'hésitais tout le temps à regarder, parce que ça a l'air d'un autre, d'un film parmi tant d'autres, parmi tous les autres films cheap qui sont sur Netflix. Ouais, je trouvais aussi. Lui, il en parlait comme dans le podcast, puis il a aussi fait de la critique sur le site web, puis il disait que c'était un film qui avait foutu la trouille. Fait que je me suis dit, ben ça m'intéresse, tu sais, je vais y donner sa chance. Puis en gros, on suit dans le film une femme qui est agente immobilière, une jeune femme de peut-être 25 ans qui est agente immobilière, qui doit vendre la maison d'un couple dans la cinquantaine à peu près. Puis à un moment donné, en faisant le tour de la maison, ben elle va... Il va y arriver quelque chose, puis on suit aussi en parallèle qu'est-ce qui est arrivé dans la maison 25 ans plus tôt, à la fin des années 80. Il y a une jeune fille, une adolescente, qui a vendu son âme au diable au début du film, puis que là, dans sa maison, il va se passer des trucs aussi que je ne veux pas révéler, c'est pour ça que je reste très vague, mais on suit un peu les deux histoires en parallèle. Puis il y a un troisième personnage qui est comme la sœur de l'agente immobilière, qui elle aussi va rentrer dans le décor, qui elle est une actrice qui avait joué dans Glee, c'est la seule actrice que je reconnaissais, ça s'appelle Naya Rivera, je crois. Et tu sais ça, il y a une créature qu'on voit dans le film, un genre de monstre que je ne veux pas non plus révéler sa nature, tout ça, mais que j'ai trouvé correct, bien fait, de la manière qu'on le voit en général, on le voit de loin, on le voit hors focus, on le voit tout le temps de manière un peu floue et c'est quand même bien parce que ça nous laisse quand même imaginer certains détails de ses traits, tout ça, sans trop nous en montrer. Sauf peut-être une shot ou deux où on le voit de trop près, puis là, je suis un peu déçu. Mais ça ne m'a pas foutu la trouille, en fait, comme Pat Lirette là, me l'avait laissé croire que ça me ferait, mais c'est ça, j'ai été un petit peu déçu à la fin pour ça. Sinon, c'est correct, tu sais, j'ai pas été impressionné, ni non plus trop déçu. C'est un peu entre les deux, fait que je suis pas... Je peux pas vraiment le conseiller ni le déconseiller. C'est correct, dans le fond. C'est correct, oui. Sans plus. En même temps, je trouve que c'est tout le temps un peu difficile de conseiller un film à quelqu'un en disant « ça va te foutre la chienne » parce qu'on a toutes des peurs différentes, puis c'est difficile. C'est pratiquement impossible de savoir si un film va réellement faire peur à quelqu'un parce que j'ai souvent essayé, admettons, tu sais, Rex, c'était quand même une valeur sûre dans le temps, je me rappelle. Je l'avais conseillé à 3 personnes, puis il y en a 2 sur 3 qui ont eu la chienne, tu sais. Okay. Puis j'étais vraiment étonné, je suis comme, tu l'as écouté tout seul dans le noir, puis le son vraiment fort, ouais, puis je suis comme, ah ouais. Fait que tu sais, je pense qu'il faut juste... Non, c'est vraiment personnel. Là, c'est personnel, c'est ça, fait que... Ouais. Peut-être moi, je l'écouterais puis j'aurais peur comme ça. Peut-être, ben oui. Mais je vais peut-être l'essayer pour le fun, mais j'ai Mais j'ai moins de trucs importants à voir, là, parce que la bibliothèque, comme d'habitude, a débordé. Je vais y aller aussi avec un film d'horreur, si on peut dire, parce que là, je fais aller mes doigts de M. Byrne. Horreur. J'ai écouté, attention les amis, Pterodactyl. Pour ceux qui ne regardent pas la vidéo, c'est vraiment une pochette cheap que tu vois un pterodactyle attaquer. C'est un film de sci-fi. Fait que c'est version pas intégrale. Version intégrale, uncut. C'est un film qui est sorti comme en 2006, si je ne me trompe pas. Je lisais les critiques derrière, c'est vraiment fabuleux. Il faut que je vous en lise une couple. La première, c'est dit « La séquence d'ouverture de Pterodactyl est la plus sanglante jamais présentée sur le Sci-Fi Channel. » J'ai débuté le film, puis tu vois juste un gars se faire couper en deux, puis c'est tout. OK, ben, ils ont vraiment des bonnes ambitions. J'aime surtout celle-là qui spécifie vraiment le nombre. C'est Jurassic Park 3 en meilleur. Et j'aime bien aussi celle-là, ça aussi. La plus haute cote d'écoute toute catégorie sur Sci-Fi Channel depuis le retour du Jedi. Wow. Ça veut dire que ça doit faire longtemps qu'il n'y avait pas eu des grosses cotes d'écoute parce que le retour du Jedi, c'est mieux. Ça, c'était avant Sharknado. Fait que... Ouais, ça, c'est très avant Sharknado. Ben, Sharknado écoutez... a battu les cotes d'écoute. Ah ouais, c'est fou. Ils sont déjà rendus au 3, hein. Ça va vite. J'ai hâte de voir le 3, moi. Je suis un des seuls qui a hâte, mais j'ai hâte. J'ai écoutez, vu la bande-annonce, puis je jubilais. J'étais comme, c'est que ça a l'air drôle. Mais en même temps, moi, je me disais, est-ce que ça va encore fonctionner? Fait que j'aurais... Je sais pas. J'ai pas encore écouté le 2. Je l'ai acheté en Blu-ray, fait que je vais l'écouter. Mais Ils sont encore en train de gosser. Ils peuvent retourner gosser dans le montage parce que dernièrement, ils ont enlevé Jared de Subway dans le film parce qu'il vient de se faire. Il a été accusé de pornographie infantile, je pense. Ou peut-être pas accusé, mais soupçonné de pornographie infantile. Puis là, aujourd'hui, j'ai vu la nouvelle qui a été retirée du film parce qu'il devait faire une apparition. Ouais, OK. Ouais. Puis c'était ça va jouer à TV dans deux semaines, genre. Bon, tu ne prends pas de chance. Ouais. Sinon, c'est réalisé par Mark L. Lester. Puis c'est une des raisons aussi pour laquelle que je l'ai pris. Parce que, un, j'adore les dinosaures puis j'écoute tout ce qui est des dinosaures cassés cheap. Et Mark Lester, c'est lui qui a fait Kickboxing avec Jean-Claude Van Damme. Puis il a fait un de mes films fétiches puis un chef-d'œuvre qui est complètement hors contexte de sa filmographie d'action. Il a fait Klaus of 1984. Qui contenait aussi un des thèmes musicaux d'Alice Cooper, puis c'est un chef-d'œuvre, ce film-là. Scream Factory ont sorti une nouvelle édition Blu-ray, puis je vous la conseille fortement. Écoutez, c'est un film de sci-fi. Venez pas me dire que vous savez pas à quoi vous attendre. On va avoir des gros ptérodactyles en CGI qui vont venir bouffer puis découper du monde en morceaux avec des personnages stupides qui vont nous sortir des répliques niaiseuses, puis qu'on va avoir du fun, puis que là, 1h30, ben, il passe pas si pire, puis que j'ai eu du plaisir. Je trouvais que c'était moins autodérisoire dans ce temps-là, les films de sci-fi qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils font tous leurs films avec un tel non-sérieux que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, OK, là, on a compris votre formule, puis vous arrêtez pas de rire de vous-même, puis de rire facilement de vos films. Tandis que Pterodactyl, oui, c'est cheap, puis tu ris, mais ça essaie d'être sérieux, pareil, puis de te montrer une histoire qui a quand même de l'allure sur 1h30 qui fait du sens. Puis je trouve que j'embarquais un petit peu plus dans les films de sci-fi dans ces années-là. À part peut-être des exceptions comme Sharknado, j'imagine qu'il va être le fun à écouter. Je trouve que tout leur méga shark versus loup-garou shark de robots puis ainsi de suite, je trouve que ça a perdu leur charme. Puis c'est plus aussi le fun à écouter justement que les films dans ces années-là. Je me rappelle, j'allais aux vidéos avec mes parents, on voyait les pochettes, puis on était comme, ça a bien l'air niaiseux, puis là, on louait pareil. Tu sais, c'est drôle, on faisait tout en ça, on allait aux vidéos, ça a l'air poche, mais on louait pareil le maudit film, puis on riait en famille, puis c'était quand même écoutable. Puis j'ai eu du fun à Pterodactyl, j'ai pas grand-chose à dire, c'est un film typique de sci-fi, il y a rien d'autre. Fait que c'est meilleur que Jurassic 3 selon la pochette, c'est-tu meilleur que Jurassic World? Non. Non. Non, j'ai eu du plaisir avec Jurassic World, puis j'ai plus apprécié Jurassic World. Mais moi, les fans sont-ils mieux faits? Non. Ben, c'est pas si pire. Oui, c'est cheap, il n'y a pas de budget, mais c'est des effets CGI pas si mal. Là. J'ai déjà vu plus raté que ça, je pense, là, dans le domaine. Là. Mais si vous aimez les pterodactyles, allez-y, écoutez-les. En fait, c'est pour Seb. Là, mais qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? L'annonce de. d'un autre film. Mais c'est toi qui l'avais mis, c'est Shark Wolf. Ouais. Ouais, en tout cas, je peux trouver. Avec Casper Van Dien. Ouais, non, c'est ça. T'as l'impression qu'il n'y a rien qui touche à terre, rien qui est vraiment vrai. Tout est vraiment. C'est vraiment cheap, les effets spéciaux. C'est affreux. C'est pire que Sharknado encore. C'est parce que, tu sais, ces films-là, on dirait qu'ils sont tournés quoi, en même pas une semaine, en un week-end ou de quoi de même. Puis il n'y a pas de préparation. Puis c'est comme. C'est rendu pire qu'avant. Tu sais, Terreau d'Actis, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un peu plus de temps de travail. Puis ils se sont forcés un peu plus. Tandis que là, tout est. Faites à la va-vite, tu sais, je veux dire, tu regardes tous les derniers films de sci-fi ou de Asylum, je veux dire, tu n'as pas un gun, pas un revolver qui est capable de tirer un coup de feu naturellement sans que ce soit du CGI rajouté par-dessus, puis quand il pèse sa gâchette, tu ne vois même pas la goupille de la balle qui sort, puis c'est vraiment tout fait à la va-vite, puis dans un temps rapide, juste pour sortir un paquet de films comme ça. Puis, ben, ils mentionnent ça dans la bande-annonce de Sharknado 3, ils font une joke là-dessus, justement, sur le fait que le film n'est pas tout à fait fini. Il me semble qu'il... Monsieur, puis c'est quoi la phrase exacte? C'est comme, on va le sortir, même s'il n'est pas vraiment fini, le film. T'sais. Pas fini ben, de monter. Je m'intéresse moins à ça qu'avant, ces films-là. J'ai beaucoup moins de fun, je dirais. Puis les seuls que je vais regarder, c'est ceux qui ont vraiment un concept... plus aguichant. Tu sais, Sharknado, je pense que tout le monde avait été crampé parce qu'ils avaient atteint un certain degré là, des tournades de requins. Mais sinon, j'ai lâché prise avec les films d'Asylum. C'est pas aussi le fun. Moi, ce qui fait que j'apprécie les Sharknado, c'est que je ne regarde pas les autres. Je ne regarde pas les Sharktopus, je ne regarde pas les Ptérodactyles, je ne regarde pas ces trucs-là. Fait que le seul film de sci-fi que je regarde, c'est Sharknado. Ben c'est ça, t'es pas saturé du genre. Non. Fait que moi, j'en ai regardé tellement des tunes qu'à un moment donné, je suis comme, non, c'est beau, là, je connais votre formule, c'est tout le temps la même affaire. Ouais, mais tu sais, je la comprends, la formule, je la connais, mais en même temps, c'est ça, je suis pas saturé, tu sais, à m'assire à chaque fois pour une heure et demie de merde, là, tu sais, c'est juste une fois par année que je le fais, fait que... J'ai hâte de voir si chaque année, deux ou trois, va te satisfaire autant, d'abord. Je suis presque certain. J'ai plus aimé le 2 que le 1, fait que j'ai hâte de voir si le 3 va encore surpasser ça pour moi, là. Sinon, je vais parler brièvement, ben, pas parce que c'est pas bon, mais parce que je veux pas non plus que passer des heures là-dessus, mais j'ai écouté la première saison de Salem, je l'ai terminé hier. J'ai été vendu à Salem dans deux podcasts, en fait, que j'écoute, de Nerdist, puis Killer POV, qui ont parlé, ce sera tous les deux, de Salem, qui est une série sur les sorcières, évidemment, on peut s'en douter, présentée aux États-Unis, et... ça met en vedette une actrice britannique qui s'appelle Janet Montgomery, puis Shane West, qui jouait dans Nikita dans les dernières années. Et donc, c'est ça se passe à Salem, au Massachusetts. C'est beaucoup, beaucoup de personnages, en fait. On suit surtout le personnage de Mary Sibley, qui est jouée par Janet Montgomery, qui est comme une femme qui a été transformée en sorcière au début de la série. Qui, elle, était en fait amoureuse de John Alden, joué par Shane West. Puis John Alden est parti à la guerre, puis pendant qu'il est parti, bien, elle s'est fait transformer en sorcière. Elle a été avortée de son enfant, puis tout ça, puis elle pensait jamais revoir John Alden. Puis là, il revient 10 ans plus tard, au début de la série. Fait que là, les deux peuvent plus vraiment être ensemble, puis lui, il sait pas qu'elle est devenue sorcière, tout ça, mais ils sont amoureux l'un de l'autre encore, mais ils se le disent pas vraiment, ils se l'avouent pas vraiment, puis... Fait qu'il y a un côté très soap à la série, puis en même temps, ben, tu as tout le côté procès de sorcière, accusation de sorcière et tout ça, et de torture et de mise à mort, des pendaisons, le bûcher, tout ça. Fait qu'il y a des scènes d'horreur, des scènes de torture qui sont vraiment très intéressantes. Les effets spéciaux sont super le fun quand même, c'est bien fait. Puis il y a des scènes assez creepy. Puis moi, je m'étais fait vendre que la deuxième saison, qui vient tout juste de se terminer, est vraiment badass, qu'il y a toute une guerre de sorcières, puis que l'actrice Lucy Lawless qui apparaît dans la deuxième saison. Fait que là, j'ai vraiment hâte de regarder la deuxième. J'ai commencé le premier épisode hier soir. Fait que, puis pour l'instant, ça, c'est vrai que ça s'annonce très, très intéressant, la deuxième. Fait que je suis très... Je suis accroché à Salem. C'est pas aussi intelligent dans les séries d'horreur que mettons, Hannibal ou Penny Dreadful, à mon sens. Mais ça demeure quand même assez creepy, puis assez intéressant, puis assez bien fait pour valoir la peine d'être vu. Moi, Chantal, elle avait écouté plusieurs épisodes de la première saison, puis elle avait beaucoup apprécié. Elle en avait parlé, je pense, dans un épisode Horror Gamer qu'on avait fait, puis qu'elle était présente. Mm-hmm. Puis, je trouvais que ça avait l'air intéressant. Je le recommande. C'est drôle parce que dès que j'avais vu le titre, moi, je pensais tout de suite automatiquement à Lord of Salem de Rob Zombie, puis je me demandais si ça avait des liens d'histoire ou de quoi, puis pas vraiment. Là, ça a l'air que ça va pas dans les clichés, tu sais, t'as pas de sorcières en balai qui volent, puis toutes ces choses-là. Non, non, non. T'en as-tu dans Lord of Salem? Non, il n'y a pas personne en balai. Je pense que le dernier film de sorcières que j'ai vu avec des balais, c'est Hansel et Gretel. OK. La dernière grosse production. Oui, mais en même temps, c'est ça. C'était tellement cartoon, c'était tellement. C'était pas réaliste non plus. Non. Mais c'était tellement bon. J'ai tellement aimé ça. Ah ouais, moi j'adorais ça. Mais je sais pas ce que j'ai avec les sorcières ces temps-ci, parce que je trompe tout le temps sur des trucs que j'aime de sorcières, puis j'ai jamais trippé là-dessus. Je m'intéresse pas aux sorcières. Puis tu sais, comme je disais il y a quelques mois, j'écoutais Bewitched, j'écoutais Ma sorcière bien-aimée. OK, c'est enfantin, on s'entend, mais je suis rendu dans la 7e saison en ce moment, puis j'achève, là, il y en a 8 en tout. C'est ça, il y a American Horror Story saison 3 qui est ma préférée. Ouais, ma préférée des 3. Puis, tu sais, c'est des sorcières. Puis pourtant, j'aime pas ça, le concept des sorcières, tout ça. Puis je crois pas en ça du tout, mais... Tu commences peut-être à apprécier de plus en plus les sorcières maintenant? Quand c'est bien fait ou quand c'est fait dans de manière attirante pour moi, ben ça marche. Tu l'aimais-tu, Hocus Pocus? Oh, ça fait tellement longtemps. Oui, j'avais trouvé ça le fun à l'époque, mais oui. Elle utilise une balayeuse pour voler parce qu'elle a perdu son balai. Ça fait tellement longtemps que je l'ai vu. Faudrait que je revoie Les sorcières d'Eastwick aussi. Ah, c'est tellement bon, ça. Ça, c'est dans mes comédies favorites. C'est The Witches avec Angelica Houston. Ah oui, c'est avec. Ce film-là me terrifie dans mon enfance. Ça faisait partie des films pour enfants, mais qui risquent de traumatiser les enfants parce que c'est... Ah, mon Dieu. C'est qui avait fait les effets spéciaux? Je ne m'en rappelle plus. En tout cas, le design des sorcières là-dedans sont vraiment effrayants. Puis je veux dire, il n'y a rien d'enfantin là-dedans. Là. Même le sujet que les enfants soient transformés en petites souris, c'est jamais enfantin. C'est vraiment bizarre comme film. C'est traité avec un sérieux qui m'avait vraiment marqué durant ma jeunesse. Là. C'est vraiment bon. Oui. Sinon, next. Ben sinon, tu vas me faire penser à ça. Il est sorti le trailer de Goosebumps cette semaine avec Jack Black. Puis moi, je suis vraiment excité. J'ai vraiment hâte. Et j'avais été surpris par le trailer qui était beaucoup plus comique et amusant que la télésérie ou que moi aussi, comme la plupart des gens, avait été traumatisé par certains épisodes. Puis moi, je le mentionne tout le temps, c'est l'éponge, la crise d'éponge. Avec des dents puis des yeux rouges, c'est l'épisode qui m'a tout le temps marqué. Tu revois les épisodes aujourd'hui, c'est cheap, ça a mal vieilli, puis c'est pas bon. Mais il y a Sébastien aussi qui avait dit « Ben moi, il me semble que ça fit, c'était une émission pour enfants quand j'étais jeune, puis je me rappelle pas que c'était effrayant ou quoi que ce soit. » Mais je pense qu'il doit juste vraiment pas s'en rappeler, puisque c'était vraiment une série assez creepy qui traitait la plupart de ses épisodes avec sérieux. Puis, mais moi, je trouve que, gars, j'ai vieilli. Je réécoutais les épisodes, puis j'avais plus tendance à rire, puis c'est comme c'est ridicule. Tu sais, déjà, là, une éponge, puis t'as beaucoup de créatures qui sont ridicules dans la série. Je pense que ce qu'on dit, c'est beaucoup des personnes nostalgiques qui vont venir écouter le film, qui ont vu la télésérie quand elles sont jeunes. Puis tu sais, je pense que c'était peut-être un choix judicieux d'y aller avec un sujet plus humoristique, puis d'y aller avec plus d'humour, puis ça a juste l'air d'une ride super fun. Tu sais, t'as juste toutes les créatures de la série qui vont être présentes, ça a vraiment l'air... Moi, ça me rappelait beaucoup de Monster Squad quand je voyais le trailer. Il y avait un feeling là-dedans qui me rappelait ça. Puis j'étais comme, ça a l'air de ça, puis ça a l'air de... Peut-être il va avoir moins de côté sérieux dans Monster Squad parce que c'est ce qui était bon. Tu avais des moments horrifiques qui étaient vraiment horrifiques. Puis je me demande si le trailer de Goosebumps n'est pas un petit peu mensongère comme The Voice. Là. Peut-être qu'on va avoir des moments plus horreurs sans forcément avoir d'humour, on verra bien. Mais moi, je suis vraiment excité, je suis confiant, puis c'est un monstre fest, c'est plein de créatures. T'en as un qui ressemble à de blob, t'as des insectes géants, t'as des petits nains de jardin qui essaient de tuer, loups-garous, t'as vraiment de tout là-dedans, des pantins. Puis moi, j'ai vraiment hâte, c'est sûr que je vais y aller la journée que ça va sortir, puis j'aime tellement... Jack Black, je pense que c'est un bon choix pour jouer Arenstein, il joue l'écrivain dans le fond. C'est ça, je te demandais, en fait, peux-tu expliquer un peu le concept de ce nouveau film-là? C'est l'auteur des livres est un personnage du film, tu sais? Ouais, c'est ça. Ben, la série c'était inspiré de ses histoires à lui, puis à chaque épisode, c'était une histoire différente. Tandis que là-dedans, on va voir l'écrivain qui, chez eux, possède évidemment toute sa collection de livres, qui sont barrés avec des petits cadenas. Puis une gang de jeunes, par accident, va ouvrir un des livres. Puis en ouvrant les livres, ça libère toutes les créatures de ses histoires. Puis il y en a un qui avait dit un peu comme Jumanji. Ouais, on peut dire ça comme Jumanji sans que ce soit forcément un jeu. Là. C'est un accident, puis un coup que c'est sorti. Mais Puis c'est juste ça, ils vont, d'après moi, essayer de trouver un moyen de tout renfermer, toutes ces créatures qui ont été libérées. Puis ça fait très Halloween aussi comme film. Je sais pas s'ils sortent au mois d'octobre. J'ai pas vu la date, mais ça serait le fun qu'ils sortent au mois d'Halloween. Je pense que c'est un bon film familial. T'amènes tes enfants, puis tu vas avoir du plaisir avec les créatures. Un peu comme Hôtel Transylvania, qui est un film d'animation, mais avec les créatures de la Universal. Puis moi, j'avais eu beaucoup de fun. C'est pas un film super bien. Ouais, il y a le deuxième qui sort. Puis j'avais eu bien du fun. Fait que, ça fait du bien, des fois, d'avoir de l'horreur léger. Goosebumps, ben, je vais le regarder, la bande-annonce. En fait, moi, je pensais pas que ça s'adressait vraiment à moi parce que j'ai jamais lu les livres, j'ai jamais vu la série, j'ai jamais vu aucun épisode de ça. J'étais rendu trop vieux. Tu me dis dernièrement que ça jouait au Canal Famille, puis c'est ça. Moi, j'écoutais pas le Canal Famille à l'époque. Mm-hmm. Moi, j'écoutais Fais-moi peur, ça passait genre à Radio-Canada. Puis je me rappelle surtout de Fais-moi peur. J'ai même acheté les coffrets parce que je voulais les revoir. Puis, mais c'est ça, Goosebumps, c'était pas quelque chose avec lequel j'étais familier. Puis, mais la manière que tu me vends la bande-annonce, ça m'intéresse. Là, je vais aller la voir plus tard tantôt. Là. Ouais, t'as pas besoin d'avoir vu les épisodes. T'sais, en fait, la seule raison que ça va apporter une certaine nostalgie, le fait que tu as vu des épisodes, tu vas faire « Ah oui, je reconnais ce monstre-là, il était dans tel épisode. » Mais même si tu les as pas vus, c'est pas grave. Toi, tu vas juste tripper parce qu'il va y avoir des loups-garous et toutes sortes de monstres. Puis... Ça a l'air drôle, les gags ont l'air le fun. Puis... T'as-tu vu l'éponge dans mon annonce? Non, j'ai même pas vu le pantin, puis je voyais du monde qui sortait des images, puis là, on voyait le petit pantin derrière un volant de voiture. C'est parce que c'est un peu comme la scène de Cabin in the Wood, quand les portes d'assassins se rouvrent. Toutes les créatures qui arrivent, puis ça dure quoi? 30 secondes, une minute, il arrive tellement de choses que faut tu faut cherches... frame par frame pour c'est voir. C'est ça. Mais la bande-annonce de Goosebumps, c'est la même affaire. Tu vas avoir un plan qui vont nous montrer peut-être 5 secondes, puis tu vois toutes les créatures qui sortent. Puis là, j'essayais de regarder. J'étais comme, ah oui, mais il y en a bien, d'après moi, qui gardent le secret pour le film. Pas sûrement. Ça va être le fun. Sinon, moi, le dernier film que j'ai vu, j'avais oublié d'en parler dans le dernier Time Out. Fait que j'ai décidé d'en parler là parce que j'ai pas vu d'autres choses à part de ça. J'ai vu Chappie, du réalisateur Neil Blockman, qui a fait évidemment District 9. Ça a été une révélation. Tout le monde a été surpris. C'était un film brillant qui savait mélanger scénario intelligent, critique sociale, film blockbuster d'action. Pour moi, c'était vraiment un film parfait. J'ai sorti du cinéma, j'ai comme fait « Wow, vraiment, ce gars-là, c'est une révélation, puis il va falloir le surveiller. » J'ai été voir Elysium avec Matt Damon avec des grosses attentes. Évidemment, c'est le risque hein, quand on a une première surprise avec la découverte d'un réalisateur. On a des grosses attentes sur le deuxième film. J'ai été déçu. C'était un bon divertissement, mais j'en suis ressorti déçu. Et Chappie, tout le monde se disait « Bon, ben là, il va sûrement retrouver le droit chemin. » Mais je pense que c'est le film des trois qui a été le plus massacré par la critique. Fait que j'ai descendu mes attentes. Je m'attendais pratiquement à ne pas l'aimer pantoute d'avance. Et finalement, ça a peut-être été une bonne chose parce que moi, j'ai apprécié Chappie. Et pour la simple raison que Chappie, c'est pas District 9. Ça n'a pas l'intelligence de District 9 puis c'est pas meilleur que District 9. Mais c'est un bon blockbuster. J'ai eu du plaisir à le voir parce que le réalisateur s'amuse juste à vouloir divertir. Il ne tente pas forcément de faire un film intelligent, même s'il y a des bonnes idées dans le film. Tu as des bons éléments qui vont malheureusement arriver que vers la fin, mais qui sont vraiment intéressants. Puis que s'il y a une suite, ben, je serais intéressé à la voir. Puis que finalement, il y a quand même des points réussis. Mais le reste, il faut le voir juste comme un divertissement nostalgique qui nous ramène un peu dans le temps de Short Circuit puis Robocop, parce qu'il l'a dit, il s'en inspire beaucoup, ce sont ses influences, puis ça apparaît énormément dans le film. Mais je trouve que Chappie, c'est pas forcément Johnny 5, il a quand même une personnalité à lui, puis je me disais pas juste tout le temps en le voyant, ah, c'est Johnny 5, ah oh, oui, c'est Johnny 5. Non, à un moment donné, j'étais comme, c'est Chappie, puis je l'aime, le personnage de Chappie, parce que c'est juste le fun de revoir la formule du... robot puis de l'intelligence artificielle qui apprend à découvrir l'humanité comme un bébé, puisque lorsqu'il va lui intégrer la nouvelle puce puis qu'il va commencer à vivre, mais c'est comme un bébé, un nouveau-né, puis c'est ça qui explique, parce qu'au départ, c'est des gangsters qui vont le voler, joué par les groupes Die Hard World, qui a beaucoup été critiqué du film, parce que le monde trouvait qu'il n'y avait pas leur place, ce sont des chanteurs de rap, puis que ce pas des acteurs. Non, ce pas des acteurs, mais honnêtement, moi, ils m'ont pas dérangé, puis même que le rôle de la fille qui joue un peu la mère de Chappie, je la trouvais bien, puis je trouvais qu'il y avait une bonne relation entre eux. C'est pas des grands acteurs, mais moi, ils ne m'ont pas dérangé. Ça n'a ça, ça pas été une plaie lorsque j'ai vu le film. Mais comme je dis, le fait de voir Chappie, qui est comme un bébé, un nouveau-né au départ, qui ne sera pas capable de parler, qui vont essayer d'y apprendre des nouveaux mots, qui va apprendre des valeurs en écoutant Master of the Universe, la télésérie animée avec, comment il s'appelle ce personnage-là? J'ai tort dans la tête, là, mais j'ai complètement oublié. Non, c'est Iman. Iman, tout ça, puis tu vois. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, écoute la série, puis là, il sort son épée comme lui. Puis, t'as un côté humanitaire très attachant. Le côté humain de Chappie fonctionne. Moi, il y a beaucoup de scènes avec lui qui venaient m'impliquer. Il y a une scène où ils vont vouloir juste comme lui. Le gangster va vouloir juste comme lui apprendre tout de suite la dure réalité de la vie pour qu'il devienne un robot badass. Mais tu sais, Chappie, c'est juste un petit robot innocent. Puis, il va l'envoyer dans une grosse place de ghetto où les gangs vont juste s'amuser à lui envoyer des rushs, puis à être super violent avec lui, puis balancer des cocktails de Molotov. Tu sais, tu vois juste Chappie qui comprend pas, puis que ça lui fait pareil mal. Puis, tu sais, c'est des scènes qui fonctionnent. Puis c'est pas original, c'est du déjà vu, mais moi, ça me rappelait les styles de blockbuster que j'aimais voir dans ma jeunesse, puis j'ai trouvé ça agréable. Iman, ouais, c'est ça, exactement. Ben, c'est Musclor en français, tu cherchais Musclor probablement. Musclor. Et c'est ça, j'ai passé un bon moment. Dans la bande-annonce, il laissait sous-entendre que Hugh Jackman jouerait un peu un rôle de héros qui va faire partie de la gang à Chappie. Et non, c'est le bad guy du film qui, lui, en fait, les robots de Chappie, c'est comme des policiers dans la ville, puis c'est comme eux qui font régner l'ordre. Et Hugh Jackman, lui, il a son propre prototype, un peu comme dans Robocop, c'est la même affaire. Lui, il a un gros robot qui ressemble à deux gouttes d'eau au ED-209 qui veut l'utiliser, mais finalement, c'est un gros robot qui semble trop bourrin, qui a l'air stupide, puis qui a l'air de plus faire du dégât qu'autre chose. Puis le personnage de Sigourney Weaver préfère les robots de Chappie, qui est joué par le constructeur qui jouait dans Slumdog Millionaire, qui joue un aspect des doux, qui rappelle Johnny Sainz. C'est pour ça qu'on voit les influences, puisque le réalisateur a vraiment été chercher pratiquement tous les éléments de ces deux films-là. Puis, sauf que Hugh Jackman, il joue un mauvais méchant. Il est mal développé. Il a une coupe Longueuil. Pourquoi Hugh Jackman a une coupe Longueuil? J'aime pas ça. Je veux pas voir ça. Fait que c'est vraiment un méchant bas de gamme qui n'est pas très réussi. Sigourney Weaver, même chose, est surutilisée. Il y a une scène avec elle, elle a peut-être trois dialogues. C'est un personnage mal écrit, comme Hugh Jackman. C'est deux personnages super mal écrits. Fait que, tu sais, son film, il a son lot de défauts. Mais comme je vous dis, le principal attrait de Chappie, c'est Chappie. Puis il est vraiment le fun à suivre. Puis le gars qui joue la voix de Chappie, c'est l'acteur fétiche du réalisateur, Charlie Brooks, si je ne me trompe pas, qui jouait le rôle principal dans District 9, qui jouait le méchant dans Elysium, qui joue un des personnages dans le film, le gros blockbuster de A-Team. J'adore cet acteur-là, il est vraiment talentueux, puis il donne justement toute l'humanité à Chappie dans sa voix. Puis c'est ça, moi je vous le conseille, faites-vous votre propre opinion. Ça a vraiment été bâché comme film, puis moi j'ai juste passé un bon moment, je l'ai pris pour ce que c'était, un divertissement, rien de plus, ça n'essaie pas d'être intelligent. Puis c'est pas un grand film, c'est vraiment juste un bon moment que j'ai passé avec ma copine. Chantal aussi, je pense qu'elle a passé un bon moment, puis on s'entendait pas à plus. Là. OK. Moi, je fais partie de la minorité qui n'a pas aimé District 9. En fait, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai juste trouvé ça bien ordinaire. Puis je voyais pas le buzz, je comprenais pas le buzz. Je suis sorti du cinéma, puis j'étais comme, OK, c'est correct. T'sais, j'ai pas envie de le revoir vraiment. J'ai jamais revu, puis je me suis tenu loin d'Elysium. Puis Chappie, ben, ça m'intéressait pas vraiment non plus. Mais tu m'as fourni la chanson, tu m'as fourni une idée pour la chanson à la fin de cet épisode-là, qui est en version podcast. Tu mettrais la chanson thème de l'émission pour enfants Chappie Chapeau. que j'écoutais quand j'étais petit. Mais non, c'est ça. Peut-être que un moment donné, par temps perdu, je vais les regarder, mais je suis quand même un petit peu curieux. Mais tu sais, en même temps, je fais peut-être partie de la minorité. Tu sais, il y a quand même. J'ai vu plusieurs personnes qui ont apprécié, mais globalement, le film est vraiment pas aimé. Puis je m'attends pas. C'est pas un film que je vais forcément conseiller à tout le monde. Je sais que c'est pas un excellent film, mais. Dans ce que je voulais voir avec mes attentes basses, j'ai trouvé mon compte. Là. J'ai trouvé que c'était quand même un sympathique film de science-fiction. Mm-hmm. Mais c'est dommage parce que de ce réalisateur-là, je voulais plus que quelque chose de sympathique. T'sais. Pour moi, vu que toi, c'est le contraire, District 9 était vraiment un grand film de science-fiction, puis c'était un tour de force d'un réalisateur débutant. Fait que là, tout le monde était excité de voir qu'il allait faire Alien 5, puis moi, je le suis encore. Mais là, avec deux films qui ont déçu globalement le public, puis qui ont été des échecs commerciaux, ça fait un peu peur pour Alien, mais en même temps, je reste confiant. Puis Sigourney Weaver, elle n'arrête pas de le vanter pareil, puis de dire que c'est vraiment un gars intelligent qui est fait pour tourner Alien 5, qui va nous donner un bon film. Mais c'est toujours un pari de prendre quelqu'un comme ça, un réalisateur indépendant, ce qu'ils ont fait avec le réalisateur de Godzilla ou celui de Jurassic World. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Ça a marché pour District 9. C'était qui? C'était Peter Jackson, je pense, qui était allé le chercher pour... Ouais, c'était comme son poulain. Il avait vu des trucs qu'il avait fait. C'est lui qui avait... Ben, son court-métrage, qui est la version courte de District 9. C'était super intéressant. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé ça. C'est District 9, la version longue de cette histoire-là, que j'ai trouvé un petit peu trop longue, un petit peu trop touffu. Mais tu sais, le court-métrage qui raconte la même histoire est vraiment intéressant. Là. Mm-hmm. C'est lui, je pense, qui avait fait... Un vidéo, ça durait comme 10 minutes, puis c'était qu'est-ce que ça aurait de l'air, le jeu vidéo Halo en adaptation live. Puis c'était vraiment impressionnant. Tout le monde était comme, OK, c'est lui, il faut qu'il fasse ça. Puis, logiquement, moi, je suis d'accord avec Peter Jackson, puis je comprends pourquoi il l'a financé, puis qu'il l'a poussé pour monter, parce qu'il a vu tout le potentiel du gars. Mais là, c'est juste dommage, puis qu'on a l'impression qu'il tombe un petit peu en rond avec Elysium, parce que t'écoutais Elysium. Ça traitait un peu de la même critique sociale, les riches, les pauvres, mais plus maladroite puis moins réussie que District 9. Puis là, avec Chappie, ben, il n'essaie pas forcément d'avoir une grosse critique plus intelligente. Encore là, on en retrouve un peu les mêmes thèmes, mais plus bas. Puis... Il y a juste une chose à dire, tout. Il y a juste une chose à dire, puis il l'a dit à chaque fois dans chaque film. T'sais. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je me demande si c'est un réalisateur qui a vraiment d'autres choses d'autres à dire que ça. Je comprends d'où ce qui vient, pourquoi le sujet lui porte plus à cœur. Tu sais, j'écoutais beaucoup les films de Tony Jaa de la Thaïlande, puis dans chacun des films, c'est tout le temps les mêmes thèmes qui reviennent. Tu sais, mettons, les éléphants, les animaux là-bas, c'est des animaux sacrés. Ça a vraiment une grosse importance. Fait qu'à chaque fois que tu écoutes un film thaïlandais, ben c'est tout le temps par rapport au braconnage, par rapport aux animaux qui sont utilisés puis tués pour des restaurants, pour le food, puis que c'est une chose mauvaise, mal vue là-bas. Fait que, tu sais, je comprends quand un sujet tient à cœur, puis c'est quelque chose qui tient à cœur au réalisateur Neil Druckmann. Mais c'est juste qu'en tant que film, à un moment donné, il faudrait peut-être essayer d'aller vers autre chose. Puis je me dis que peut-être c'est avec Alien 5 qui va arriver à sortir de son cocon et aller dans d'autres choses, justement. Fait que je me dis que c'est là que ça va passer au saccage. S'il se plante avec son Alien 5, ben ça va être triste, mais je pense que la plupart du monde va vraiment abandonner ce réalisateur-là et on va juste rester avec District 9. Mm-hmm. OK, ben moi je vais parler aussi. Je vais parler de Penny Dreadful brièvement. J'ai fini la saison 2 puis j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Ça m'a pris du temps. J'en ai parlé dans Horror Gamer récemment dans un épisode qu'on a fait sur YouTube. Puis que ça m'a pris du temps à accrocher à la saison 2. Ça a été lent, ça a été long, ça a été ardu. Je me suis endormi sur certains épisodes que j'ai recommencé. Et pourtant, j'ai vraiment adoré la première saison que j'ai vue trois ou quatre fois même. J'ai vraiment, vraiment beaucoup accroché sur ces personnages-là, sur cet univers-là, sur ce langage-là. C'est tout créé par c'est créé par John Logan, qui est un scénariste, qui écrit tous les épisodes, puis qui a vraiment une vision. Je fais confiance à sa vision globale qu'il a de où est-ce qu'il veut amener ces personnages-là. Et c'est ça qui m'a fait continuer en saison 2 parce que je me disais, je pense que ce gars-là sait où il s'en va, donc je vais lui faire confiance. Et j'ai pas été déçu la saison 2, la fin c'est badass et j'ai tellement hâte à la saison 3. Je sais pas du tout dans quelle direction ça s'en va, quel genre de monstre qu'on va avoir parce que encore là, on avait des sorcières. Et je parlais tantôt des sorcières qui sont partout dans la vie en ce moment. Ben, saison 2 de Penny Dreadful, c'est des sorcières. La saison 1, c'était surtout des vampires, les ennemis principaux. Mais c'est ça, on poursuit encore quand même dans saison 2 toutes les intrigues de la saison 1. Et on poursuit l'évolution des personnages principaux, que ce soit le personnage de Eva Green, Vanessa Ives, ou le personnage de Josh Arnett. Ethan Chandler, puis le personnage de Timothy Dalton, puis tout son conflit intérieur par rapport à ses enfants, qui sont maintenant tous les deux décédés, tout ça, sans trop vouloir spoiler, mais j'ai un peu spoilé la saison 1. Mais non, c'est ça, mais tu sais, en tout cas, il y a tellement de trucs le fun qui se passent, puis la méchante principale, au début, je ne l'aimais pas trop, mais j'ai fini par l'apprécier de plus en plus, puis il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans saison 2 qui sont le fun. Quand je regarde maintenant, quand j'y repense, depuis que c'est terminé, là. Puis je vais définitivement la revoir au complet. Et je le recommande fortement. Je trouve que c'est extrêmement intelligent. C'est peut-être dur à suivre. C'est peut-être trop lourd parfois. C'est peut-être trop complexe ou trop lent, trop poétique. Il y a vraiment une très grande beauté dans le langage, la manière que c'est pas juste dans la manière de prononcer les mots, dans la manière que c'est écrit. Je n'arrive pas à le décrire, mais moi, ça me plaît. Là, c'est vraiment ma série, une de mes séries préférées en ce moment à la télévision. Et je ne saurais trop la recommander. Tu en parles quasiment à chaque time out, fait que je pense que tu es vraiment fan, là, ça paraît. Oui. Mais je t'ai promis que j'allais la commencer un jour. Puis je t'avais dit, à un moment donné, on fera ça. Tu commenceras Daredevil avec l'épisode 1, puis moi, je vais commencer Penny Dreadful avec l'épisode 1. Puis on pourrait comme en parler dans le time out, chacun, qu'est-ce qu'on a pensé du pilot. Ça pourrait être intéressant. Oui. Sinon, moi, j'ai plus vraiment d'autres choses. Comme je dis, j'ai eu une semaine bof. J'ai pas eu vraiment de très bons films. Il y a juste Interstellar que j'ai vraiment adoré. D'habitude, des time out, j'ai tout le temps plein de films que je suis comme « Wow, c'est génial! » Puis là, non, j'ai vraiment une semaine bof. Ben, sinon, moi, je suis encore des séries. C'est un épisode à chaque semaine comme de Whispers. The Whispers qui a commencé il y a 3 ou 4 semaines. Proof, même chose. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas mentionné, mais j'avais juré que je ne regarderais pas la saison 3 d'Under the Dome, et j'ai quand même écouté les 2 premiers épisodes par curiosité. Et c'est tellement drôle parce que je suis quand même intéressé de voir le reste, et pourtant j'avais juste dit de la merde de la saison 2, mais c'est parce que la saison 3, ils vont tellement dans une direction totalement opposée au livre, et on est tellement rendu loin du roman de Stephen King que là, je suis comme, ok, ben, surprenez-moi parce que je suis un petit peu, je suis prêt, là. Maintenant, la saison 2 m'a pris un peu par surprise à quel point c'était merdique que la saison 3, je m'attends plus à rien vraiment, fait que je m'attends juste à être surpris, puis je me dis, ok, amenez-moi où ce que vous voulez, puis je vais voir, là, je vais voir jusqu'où je vais me rendre, je sais pas si je vais suivre tout le long, mais je vais continuer encore un petit peu la ride, là, puis mais sinon, tu sais, je suis ces séries-là. Après ça, ben, j'ai recommencé aussi. On dirait que j'ai pas de vie, là, mais je fais juste écouter la télé, mais j'adore la télévision. Et j'ai recommencé une série que j'avais écoutée il y a 5 ans. J'avais écouté la première saison de Rookie Blue, qui est une série policière qui passe à tous les étés à ABC. C'est une gang de recrues de police qui vivent toutes sortes de mésaventures. Ça s'est tourné et ça se passe à Toronto, en fait. Et j'avais écouté la première saison il y a 5 ans, ou 5-6 ans, puis j'avais beaucoup aimé, mais je n'avais pas continué. Fait que là, j'ai décidé de la recommencer. J'ai juste écouté 3 épisodes jusqu'à date pour me remettre dans le bain un peu, parce que j'ai vu que ça passait encore à TV. Ils sont rendus à la 6e saison, puis je serais curieux de voir ça jusqu'où ils sont rendus en ce moment. Fait que c'est juste ça. C'est une série à la fois comique et dramatique, puis c'est léger, mais c'est le fun. Puis c'est pas mal ça, là. Tu sais, j'en suis pas mal des séries, fait que... Ouais, j'ai remarqué ça. je vois moins de films que toi, mais j'écoute plus de séries. Fait que ça, cool. Mais là, je vais me procurer Twin Peaks. Twin Peaks, oui. Fait que je vais la commencer, puis j'ai vraiment hâte, là. Ah, puis tu me fais penser, ben, dans Twin Peaks, comme je t'ai appris dernièrement, il y a David Duchovny qui joue un de ses rôles assez marquants, puis j'ai bien hâte que tu le vois, je te dis rien là-dessus, mais j'ai commencé le 3-4 jours, j'ai recommencé X-Files, en fait, c'est une autre grosse série que j'ai recommencé. J'ai vu toutes les 9 saisons à l'époque, pas quand elles sont passées à TV, mais j'ai vu genre les 7 premières saisons en rafale à Z télé au début des années 2000, puis les saisons 8 et 9, quand ils sont passés à TV semaine après semaine. Et donc, ça faisait donc à peu près 15, 13, 14 ans que je n'avais pas vu la série. Et il y a un événement sur Facebook qui s'est créé dernièrement, où c'est qu'on appelle les 201 jours de X-Files. Si tu écoutes un épisode par jour à partir du 7 juillet, c'était donc mercredi dernier, un épisode par jour, tu vas arriver exactement à la date de diffusion de la nouvelle saison en janvier 2016. Fait que j'ai décidé de faire ça. Tu sais, évidemment, je ne pourrais pas suivre à tous les jours, mais de temps en temps, je vais faire du rattrapage. Les journées que je peux, je vais peut-être en écouter 4-5. Si les jours précédents, je n'ai pas pu en regarder. Fait que, mais je pense que c'est faisable, là. En incluant les 2 films aussi. Puis, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à me replonger là-dedans. Ma blonde, elle en suit quelques-uns. Je pense qu'elle va surtout suivre les épisodes de la mythologie et non pas les Monsters of the Week. Fait que je me suis sorti une liste de tous les épisodes qui font partie de la mythologie vraiment et qui font avancer l'histoire. Fait qu'on va suivre sur... elle va suivre surtout ces épisodes-là, mais je vais tous les écouter au complet. Fait que... J'ai envie de participer. Là, je suis en retard, là, mais je vais essayer de rattraper. Ça me tente de le faire. Puis j'aime le concept que un coup qu'on va avoir fini la saison, le dernier épisode, ben, on va commencer tout de suite l'autre. Fait que c'est comme toute la série va être fraîche dans ta tête parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des clins d'œil et qui, comme il disait, ils vont ramener des trucs. Puis j'ai pas envie de plus m'en souvenir puis d'être perdu en fait parce que ouais, c'est très longtemps que je l'ai vu la série. Là. C'est la même chose pour Twin Peaks. Moi, je l'ai écouté. La dernière fois que j'ai regardé Twin Peaks au complet, c'est en octobre dernier, là, donc 7-8 mois. Puis ça commence déjà à être moins frais dans ma tête. Et pourtant, Twin Peaks, je l'ai vu peut-être 4-5 fois la série au complet. Puis je sais que quand la nouvelle va sortir, ben, peut-être un mois ou deux avant, je vais tout m'y retaper. Parce que c'est pas long, c'est genre 2-3 semaines. Ça peut être moins long aussi si tu t'y mets vraiment à fond, là, mais si tu regardes juste un couple d'épisodes par-ci, par-là, ben, ça peut te prendre une couple de semaines à regarder ça. Là. OK. C'est drôle, j'ai vu... ils ont sorti une bonne annonce pour la saison 2 de From Dusk Till Dawn. Et je savais pas qu'ils faisaient une saison 2... de cette série-là. Et là, je crois que ça pourrait peut-être plus m'intéresser. J'avais commencé la saison 1, puis c'était vraiment comme la scène d'intro, c'était 45 minutes du 10 minutes du film, mais je l'avais trouvé quand même un peu intéressante, même si, tu sais, veux pas, l'acteur principal ne remplacera pas George Clooney, puis on est tellement habitué à nos acteurs. Mais je trouvais que ça avait l'air un peu intéressant, puis c'était pas aussi désastreux que je l'imaginais. Mais j'ai fini par arrêter à un moment donné parce que il y a certains épisodes, je trouvais que ça tournait en rond, c'était un petit peu long. Puis, dans le fond, tu sais, tout ce que tu dis, c'est comme ah ouais, il est arrivé au bord, là. C'est ça qu'on attend. On veut c'est ça, j'ai entendu dire que quand ça commence à bifurquer dans une direction différente du film, là, ça devient vraiment, vraiment différent. Puis, ça devient vraiment le fun. Là, ben, c'est ça. Fait que je me dis, un coup que la saison 1 finit, qu'ils ont fini avec le bord, ben, la saison 2 n'a pas le choix d'aller dans une direction complètement opposée avec les mêmes personnages. Fait que là, ça m'intéresse. Fait que je pense que je vais terminer. La saison 1, puis essayer. Ils sont déjà éloignés du bar à la fin de la saison parce que je pense que le bar, c'est genre le 7 ou 8e épisode, je ne les ai pas vus, là, mais il me semble. Okay. C'est aux trois quarts de la série qui arrive au bar, je pense. Puis après ça, ça prend une autre direction. OK. Mais il y a le. Moi, je suis curieux de la regarder pour un petit détail, c'est niaiseux. C'est vraiment. C'est pas ma raison principale parce que. Non, j'ai hâte de la regarder. Mais il y a le gars qui faisait Fez dans That 70 Show qui joue un policier là-dedans. Fait que je suis curieux de le voir en policier. Il me semble que je ne peux pas l'imaginer. Si c'est le policier que je pense, en tout cas, je l'aime bien, le personnage du policier dans le film, dans la série. Mais non, je pense que tu devrais l'apprécier en policier. D'après moi, il est crédible. Anyway, toute la série m'intéresse pareil. Puis j'avais commencé à regarder le premier épisode, mais ce soir-là, je m'endormais, puis je n'ai pas continué. Puis je venais juste de regarder le film, puis c'était trop frais dans ma tête. Je faisais trop de comparaisons. Mais je veux regarder la série quand je ne me rappellerai plus de tous les petits détails du film. Ben, ce qui est le fun, c'est qu'à un moment donné, tu arrêtes les comparaisons, puisqu'il y a vraiment des points qui sont différents du film. Puis même les personnages, tu retrouves la même famille avec la minivan, tout ça. Mais ça va être des personnages assez différents du film, puis avec des histoires différentes. Fait que, tu sais, le fait qu'ils finissent par s'éloigner du film, c'était la meilleure idée à faire, parce qu'à un moment donné, les comparaisons sont trop évidentes. Puis quand j'ai vu qu'il y avait une saison 2, je me disais, OK, non, c'est sûr qu'ils vont faire d'autres choses, qu'ils vont s'éloigner. Fait que, peut-être que la série peut finalement décoller puis avoir quelque chose de bien, là, avec un côté plus original que juste refaire le film étiré en une série de 10 épisodes, là. Non, je pense que c'est déjà parti dans une autre direction. Cool. Ouais. Fait qu'on a fait le tour, je pense. Ouais, faites le tour, c'est pas mal tout. Ben, la semaine prochaine, en fait, l'épisode numéro 36, on l'avait pas annoncé. Je me souviens plus si on l'avait annoncé. Anyway, non, je vais le dire maintenant. Annoncé, je pense. On parle de films qui traitent de fils à maman, de relations compliquées entre des fils et des mères. Et on aurait dû faire ça pour la fête des mères, mais on ne l'a pas fait. C'est pas grave, on est un petit peu tout le temps à contre-courant. Mais donc, le premier film, on en a parlé quand on a fait l'épisode sur Quiz Show, on l'a mentionné celui-là, c'est Marty. J'ai ici la pochette dans ma main. Marty, de 1955, qui a gagné, comme c'est écrit sur sa pochette, 4 Oscars, dont l'Oscar du meilleur film en 55. Sa mère en vedette, Ernest Borgnine. Et le navet nanar, c'est Arrête ou ma mère va tirer. J'ai pas de copie dans les mains en ce moment. Arrête ou ma mère va tirer, de 1992, avec Sylvester Stallone et Estelle Getty. Et donc, c'est ça, tu sais, vous allez découvrir si on aime ou on n'aime pas ces films-là. Comme je disais au début de l'épisode, on l'a déjà enregistré. Ça va être en ligne en milieu de semaine prochaine. Je veux garder quand même un rythme régulier. C'est ça, c'est parce qu'on va être, nous, occupés dans nos vies, dans nos vraies vies. Fait que, ouais. Fait que c'est cela. Sinon, prochain time out, je peux pas te garantir que ça va être dans 2 semaines parce que, comme je t'ai dit, on va être, je vais être occupé, toi, tu vas l'être aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, c'est que la semaine prochaine, on va avoir l'épisode de Marty et ça, puis l'autre semaine, au lieu que ça soit un time out comme on avait fait, ça va être l'autre épisode. Ça sera l'autre épisode régulier. Vu qu'on va le faire lui aussi d'avance, puis après ça, on repartira time out. Fin juillet, là, ouais. OK. Fait que je pense que ça va être ça le deal. Fait que ben merci beaucoup à tous ceux qui nous ont regardés. Je pense qu'on a eu 3 ou 4 spectateurs en permanence tout le long de l'épisode. Fait que c'est vraiment la dernière minute en plus, là. C'est comme on l'a posté un peu dans la journée même. Oui, c'est ça. Non, mais c'est super, super, super cool. Puis n'hésitez pas à commenter sur la page Facebook si vous avez des choses à dire, si vous l'écoutez en podcast, puis vous voulez commenter sur les films qu'on a parlé. N'hésitez vraiment pas, dites-nous que vous détestez les films dont on parle ou qu'on les aime ou que vous les aimez ou peu importe. Aucun problème. On est là pour jaser. Puis sinon, ben c'est ça. On se reparle. On se retrouve la semaine prochaine dans l'épisode régulier. Merci à toi, Steven. Ça a été un plaisir, comme d'habitude, j'adore ça. Good. C'est un plaisir pour moi aussi. Fait que bye bye. Bye bye. Ça passe chaud, pipi-pou, passe chaud, passe chaud, pipi-pou, pipi-pou.